informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard nous dira ce qu'il pense d'un événement de l'actualité dans sa chronique hebdomadaire. Et Evelyne Tulac nous fera voir le monde dans la chronique du Club Pélaire UQTR. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 21 mars 2016. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières à quelques jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ça va, Tania? Oui, ça va très bien. Hey, c'est le printemps. Et à partir d'aujourd'hui ou d'hier ou quand? Si je me fie à la météo de ce matin, ça serait à partir d'aujourd'hui. On est le 21 mars, donc je crois que c'est à partir d'aujourd'hui exactement. Cool. Hey, 36 jours en fait avant la fin de l'année scolaire. Il en reste plus beaucoup. Hein? Il en reste plus tant que ça. Vraiment. Il en reste plus tant que ça. Ça va passer tellement vite, vous allez avoir l'impression qu'il en reste comme 3-4 ouais, environ. Donc aujourd'hui, l'émission, Tania, on a une journée très intéressante. On va avoir à 8h30 Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire sur l'actualité québécoise et canadienne. Ensuite, à 9h, Evelyne Dulac du Club plein air UQTR va venir nous parler d'environnement, de choses qui se passent à l'extérieur, de nos quatre murs. Ta chronique à toi s'en vient, Tania's Gonna Entertain Ya, à 8h. Qu'est-ce que tu vas nous jaser? Bien, écoute, les différentes équipes des Patriotes de l'UQTR étaient un peu partout au Québec et au Canada en fin de semaine, donc je vais revenir sur les différents événements sportifs qui s'est passé pour nos Patriotes. Génial, on va faire cet effet aussi dans l'émission d'aujourd'hui. À chaque fois que je regarde ta main, tu t'es fait faire du henné. Oui. Mais j'ai l'impression que t'es comme une brûlée au troisième degré en regardant. Je fais comme, ben voyons, vrai, non, hein? Il manque plus rien que ça. Mais non, mais pas non, encore. C'est de l'henné. C'est de l'henné. C'est beau. Merci. Quand tu la regardes de près. Oui, parce que de loin, j'ai l'air brûlée, c'est ça. Parce que les yeux n'étaient pas focusés sur ta main. Ah, donc. C'est ça, c'est pour ça. Bref, voilà, c'est l'émission d'aujourd'hui. Commençons en musique avec un Manticus. Voici ses nuits blanches. Assemblage Reiki! Au 89 FM! Si tu trouves que le temps file, je le ralentirai. Il faudra quand même se lever. Qu'il se fait tard, j'arrêterai le temps. On vivra encore et encore le même instant. Chaque fois que l'on s'endort et que nos cœurs battent un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un chaque fois que l'on s'endort et que l'on danse un peu trop fort, vivre la nuit comme si c'était un rêve où tout est permis. Ah oui! Thank you. Bacalec. Mardicus, c'est Nuit Blanche à Assemblage Requis. Bacalec. Mes connaissances sont bacalec. Ah ouais. Mais pour être meilleur. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'était sur un ton sec aujourd'hui. Oui, désolé, j'essayais d'ouvrir mes différents onglets et rien ne fonctionnait. Non, pauvre toi, mais là, ça commence à marcher. Là. Oui. Faut attendre qu'il se dégèle le matin. Oui, c'est, je pense que c'est vraiment ça. Donc, c'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Ce sont des faits trouvés sur Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com. Vous pouvez suivre en même temps que nous. Commençons par le gouvernement américain qui renverse un peu la vapeur sur les polices de caractère des autoroutes. Ah! Oh. Ouais, les pancartes d'autoroute vont bientôt avoir un nouveau look ou encore un ancien look, dépendant de votre perspective. Selon CityLab, le US Federal Highway Administration, FHWA, a récemment annoncé qu'ils allaient changer la police de Clearview, qui est une police de caractère qui avait été faite pour améliorer la visibilité pour les conducteurs, à Highway Gothic, une police qu'ils avaient développée dans les années 40 et qu'ils avaient utilisée sur les pancartes de route jusqu'en 2004. Les nerds de police de caractère, les geeks de la route, pourraient être les seuls qui vont remarquer le changement tout de suite. Par contre, les pancartes, apparemment, on va avoir une grande différence côté sécurité. WNYC dit que Highway Gothic était problématique pour les conducteurs qui étaient un petit peu plus vieux avec une mauvaise vision, étant donné que les lettres devenaient une espèce de flou à cause de la réflexion des lumières de leur voiture la nuit. Pour faire contraste avec ça, Clearview était un petit peu plus espacé. Et mélanger les majuscules et les minuscules. Les designers trouvaient que ça allait aider les gens à voir les lettres un petit peu mieux dans le noir et à partir de longues distances. Les études suggéraient que Clearview était plus facile à lire pour les conducteurs et en 2004, environ 30 États ont choisi cette police-là de caractère pour leur propre pancarte lorsque la FHWA leur a donné l'option de changer. Maintenant, selon CityLab, le FHWA dit que la recherche qu'ils ont effectuée leur apprend, en tout cas, que Clearview en fait que c'est plus difficile de lire les pancartes. Pour les pancartes, entre autres, qui ont des lettres noires sur fond blanc ou un arrière-plan jaune, comme les limites de vitesse et les pancartes d'avertissement. Selon The Verge, la raison pour laquelle Clearview avait l'air plus facile à lire, c'était simplement parce que les nouvelles polices de caractère voulaient dire que les vieilles pancartes, qui étaient un petit peu, délavées, sales, brisées, ou tu sais, ils étaient remplacées par des nouvelles pancartes. Donc c'est ça qui rendait la vue plus facile. C'était pas la police de caractère, c'était simplement le fait qu'ils avaient changé les pancartes âgées pour des plus récentes, neuves pancartes. Hein? Mm-hmm. Donc le FHWA a arrêté d'approuver des pancartes avec Clearview il y a environ 2 ans. Pendant ce temps-là, les pancartes avec la police Clearview ne seront pas enlevées, mais alors qu'elles vieilliront, elles seront remplacées par des pancartes avec Highway Gothic, comme dans le temps. Si vous voulez voir la différence entre les deux polices de caractère et en savoir plus, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vient de The Hardest Year. Peut-être l'as-tu remarqué toi aussi. En tout cas, moi, j'ai vu pas nécessairement la police Clearview. J'ai aucune idée si au Canada c'est ce qu'on utilise, mais j'ai vu dans différentes villes différentes polices de caractère. C'est vrai. Une qui est un petit peu plus espacée avec des grosses lettres que moi je trouve personnellement vraiment laide comme police de caractère, alors que celle qu'on avait partout ailleurs, je trouve ça beaucoup plus beau. J'imagine que c'est parce qu'on a des copieurs des Américains. On va se le dire bien franchement. Probablement que c'est les mêmes polices qu'on utilise au Québec et au Canada qu'aux États-Unis parce qu'on est de même. Peut-être, oui. En tout cas, moi, d'après moi, l'ancienne police était pas mal plus belle. En regardant la vidéo, moi, je la trouve plus belle. C'est vrai. La nouvelle était peut-être plus lisible, mais pas une belle police de caractère. Je trouve les pointes assez laides. Ensuite, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Tu te demandes peut-être, Tania, toi, tu regardes des films avec tellement d'attention, tu te préoccupes des détails et tu t'es toujours demandé comment ça se fait qu'il n'y a pas d'oiseaux américains dans mes films. Ah, je suis d'accord avec toi. Tu sais, les films hollywoodiens, il n'y a aucun oiseau américain. C'est seulement des oiseaux exotiques. Mm-hmm. Ouais, c'est la loi, en fait. OK. En 1918, le Migratory Bird Treaty Act empêche les gens de posséder des oiseaux migratoires pour n'importe quelle utilisation commerciale, selon le Washington Post. Acheter ou vendre des oiseaux domestiques est en fait un crime. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça dans les films américains. Les espèces, ouais, les espèces d'oiseaux américaines, les espèces américaines, donc ne sont presque jamais vues dans des films américains ou des émissions de télé. Les oiseaux qu'on voit dans le film de 2013 de Lone Ranger qui se passe au Texas sont des espèces africaines. Les oiseaux dans Dances with Wolves sont des oiseaux d'Afrique. Okay. Et dans le film nominé pour meilleur film aux Oscars, c'est des oiseaux faits par ordinateur dans The Revenant. Donc, à la place d'utiliser des jets bleus ou n'importe quoi, des oiseaux américains, les cinématographes, graphistes, oui. Cinématographes, hein, vont trouver des oiseaux similaires qui ne sont pas natifs des États-Unis. Donc, ils vont chercher des acteurs oiseaux ailleurs. Bon, certains pourraient dire que ça change la vision du réalisateur, mais la loi protège les espèces d'oiseaux américaines. Donc, c'était une des premières lois américaines qui cherchait à protéger un type spécifique d'oiseaux de l'exploitation. Ces lois protègent maintenant plus de 1000 espèces d'oiseaux, selon Audubon Magazine. Ils ont sauvé des millions, sinon des milliards d'oiseaux d'activités humaines. Voilà. Donc, les oiseaux américains n'auront jamais la chance de devenir des vedettes de cinéma. Plus de 60% des consommateurs, acheteurs chinois disent aussi qu'ils sont prêts à payer plus d'argent pour des produits qui sont étiquetés fabriqués aux États-Unis au lieu de fabriquer en Chine. Ah, oh, ouais. Les Chinois eux-mêmes n'aiment pas la qualité de leurs ça produits. Ça va bien. Ouais, c'est ça. À cause de raisons religieuses, et ça m'a vraiment intrigué hier, je suis allé voir si c'était vrai parce que je trouvais ça louche. Manhattan est encerclé de fils transparents constamment maintenus. OK. Ça a rapport avec les Juifs. C'est un fil, petit fil américain, un fil à pêche presque. Donc, c'est dans plus de 200 villes en Amérique du Nord, dont Manhattan, pour marquer des frontières religieuses. Oh, une opération secrète a lieu pour vérifier et réparer les fils, oui, à chaque semaine, juste à temps pour la fin de semaine. Question de religion juive, on a la petite vidéo qui dure, hein, elle n'est pas si longue que ça. On pourrait peut-être écouter le début, au moins, de cette vidéo-là, de Business Insider. L'idée of creating de créer holy space des espaces sacrés is really an idea est vraiment une idée que les gens, en général, apprécient aujourd'hui. Bing bong, bong, bing, bing bong. C'est moi qui traduis la chanson. OK. Quand même. Quand même. Je prends le temps de faire les choses comme ça. Ça s'appelle The Manhattan Eruv. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Eruv, vous pouvez nous dire. Une des activités interdites lors du sabbat est quelque chose qui s'appelle le carrying. Donc, une loi religieuse juive empêche de transporter des objets à l'extérieur de la maison lors du sabbat. Les rabbins réalisent la difficulté de savourer le sabbat si tu n'as pas le droit de transporter des choses à l'extérieur de ta maison. Donc, ils ont créé un construct. Une construction in which où the area le... Hey, vraiment, il parle vraiment l'anglais. Ouais, vraiment. Donc, la place où les Juifs vivent est fermée by a wall pour commencer par un mur ou une clôture. And then et ensuite, éventuellement, c'est devenu symbolique, un mur which was symbolique de fil créé en installant deux poteaux et une corde attachée entre les deux poteaux. Donc, ce mur symbolique de corde s'appelle le Néruv. Et ce mur imaginaire servait pour renfermer les gens de façon religieuse, pour permettre aux Juifs de transporter les choses à l'intérieur de ce cadre. Ce qui est incroyable, c'est que en 1970, il y avait moins de 10 Éruvs en Amérique du Nord au complet. Alors que maintenant, je dirais qu'il y en a plus de 200 Éruvs. Alors oui, il y a un Éruv à Manhattan. Voilà. C'est intéressant, on peut regarder le reste, là. Vous pouvez aller voir sur rassemblagerequis.com, mais en tant que tel, j'ai au moins les informations pertinentes pour comprendre le principe du fil transparent. Ça m'intrigue, c'est fun. C'est une religion qui est un petit peu restreinte dans son mouvement, mais un peu moins avec, pas la technologie, mais au moins la débrouillardise du... Mettons. Du peuple. Il y a 2,5 millions de billets d'argent de 0 roupie en Inde. OK. Ils sont payés pour manifester par des citoyens fâchés par rapport aux fonctionnaires du gouvernement qui sollicitent des pots de vin. Donc, pour prendre leur revanche, ils ont fait imprimer des billets de banque de 0 roupie. C'est dommage drôle. Quand même. un écrivain était tellement fâché des critiques en ligne pour son livre qu'il a voyagé jusqu'en Écosse. Il a chassé ou pourchassé, ou en tout cas trouvé la personne qui avait écrit la critique, est allé au magasin ou à la boutique où elle travaillait, cette personne-là, et l'a frappé en arrière de la tête avec une bouteille de vin. Hey, hein, faut-tu pas être agressif rien qu'un peu? Au moins une copie de son livre. Ouais, c'est ça. Ouais, au moins. De vin. C'est pourquoi une bouteille de vin? Mais bon, peut-être. Oh là là. Je sais pas. Une étude en Suède nous apprend que les attaques cardiaques étaient plus communes pendant les trois premiers jours de la semaine suivant la transition printanière vers le changement d'heure. Attention, ça s'en vient. Non, c'est déjà fait. Le changement d'heure, c'est déjà fait. On l'a fait. Oui, mais saison printanière. Oui, c'est ça. T'as raison. Ouais. C'est ça. C'est comme là. Mais en fait, ça dit après la transition printanière jusqu'au changement d'heure. Donc, je pense que c'était probablement lundi, mardi, mercredi de la semaine passée. Ah, peut-être. Dépendant probablement des places où on change l'heure. Oui, c'est ça. Ça a changé. Ouais. Ça n'a pas été reculé. Le changement d'heure, il y a quelques années, il me semble, a reculé. Ah, c'est pas plus tard que pas. Ça. En tout cas, j'ai pas ça dans mon fait, mais il me semble que ça a changé de date, le changement d'heure. C'est une bonne question. En tout cas, l'inventeur de l'essuie-glace, tiens. L'inventrice, la femme. Mary Anderson a reçu un brevet en 1903 pour les wipers. Hein? Elle a essayé de vendre les droits en 1905. Elle s'est fait dire que ça n'avait aucune valeur commerciale et qu'elle serait incapable de vendre ça. 19 ans plus tard, c'est devenu un équipement standard dans tous les véhicules. Hein? Le gars qui a pas voulu de tout ça en mordre les doigts. Mais en Mary Anderson, une chance que t'es là. Que t'étais, ouais, parce que ça me surprendrait qu'elle soit encore là. Ceux qui se promènent tenus sont des naturistes, naturalistes. Des naturistes. On a de la difficulté avec le féminin, puis le masculin, et puis la liaison, puis l'accord, des choses. Ce sont des exhibitionnistes. Des exhibitionnistes. Bon, bref, c'est un Allemand, Alexander von Humboldt, en Amérique du Sud, en 1800, qui a rencontré un vieux perroquet qui était la seule personne... En fait, c'est un naturaliste. C'est pas les personnes qui se promènent tout nus. C'est une personne qui enquête sur les animaux et sur la nature. C'est voilà. Bref, on a rencontré un vieux perroquet qui était la seule espèce, le seul exemplaire de gens qui parlait une vieille langue indienne qui était morte, cette langue-là. Donc, la tribu qui parlait cette langue-là était disparue. Donc, il y avait un seul perroquet qui parlait cette langue-là. On l'a découvert en 1800. C'est drôle. Ensuite, une femme qui faisait le ménage en Italie a jeté des tableaux peinturés, peints, qui valaient 13 700 $, qui faisaient partie d'une installation d'art moderne. Elle pensait que c'était des déchets. Elle les a jetés. Ça valait 13 700 $. Oh non. Ouais. La seule raison pour laquelle Martin Luther King était sur un balcon d'un hôtel là où il a été assassiné était parce qu'il prenait une pause d'une bataille d'oreillers qui avait lieu dans sa chambre à coucher. Comme signe de solidarité, peu de temps après l'assassinat de M. King, les Black Panthers ont fait une des plus grandes batailles d'oreillers de l'histoire moderne. Une femme de 75 ans a été arrêtée après avoir amené un marteau dans un centre de service à la clientèle de Comcast, une compagnie de câble de distribution aux États-Unis. Elle a pété tout ce qu'il y avait dans la salle d'attente. Elle a dit, je cite, « J'avais jamais pensé d'amener un marteau dans une compagnie de téléphone de télécommunication avant, mais j'étais tellement fâché que c'est ce qui m'a pris. C'est ce que j'ai fait. » Ah, bon, ben... Elle l'a avoué. Hein? Anger management? Much. En 1923, l'État de l'Illinois a passé un acte déclarant que l'américain, entre guillemets, et non pas l'anglais, allait être la langue officielle de l'État. L'acte a été proposé par le sénateur Frank J. Ryan de Chicago, qui en avait assez que l'américain soit appelé de l'anglais. Ryan, à son tour, a eu l'idée du congressman du Montana, Washington McCormick. Imagine, t'es vraiment patriote, tu t'appelles Washington McCormick. Mettons. Qui avait essayé, mais échoué, de faire désigner la langue américaine comme la langue nationale. En 1969, la législature de l'Illinois a révisé le statut pour faire de l'anglais et non de l'américain le langage, la langue officielle de l'État. Parce qu'en tant que tel, on sait bien, l'américain, pas nécessairement un langage. Hein. C'est un accent. En 2008, une école de Camden, au New Jersey, a forcé ses étudiants à manger leur dîner, leur lunch, sur le plancher pendant 2 semaines quand un enfant a accidentellement renversé de l'eau alors qu'il remplissait un refroidisseur d'eau. Donc, 7 étudiants ont gagné 500 000 $ après avoir poursuivi l'école pour les avoir fait manger sur le plancher. Je ne sais pas si c'est une punition de la part de l'école. J'imagine que c'est ce que l'article doit dire. Ils ont été forcés à manger sur le plancher du gymnase pendant 2 semaines comme punition. Voilà. Après qu'un garçon ait fait déborder un truc pour garder l'eau froide. Et ils ont gagné en cours 500 000 $. Quand même. Les chercheurs indiquent que les Américains noirs, donc les Afro-Américains, vont vraiment typer moins leur serveur que les Américains blancs. C'est parti d'un cycle, nous dit-on. Les serveurs résistent un peu, ont de la difficulté à servir les Afro-Américains, les personnes de race noire. Donc, ils vont leur donner un moins bon service, ce qui décourage les Noirs de donner du tip dans ces restaurants-là ou même de visiter ces restaurants-là. Donc, c'est un cycle constant. Et c'est pour ça qu'on a, dans le fond, pas la rumeur, mais c'est fondé finalement la rumeur que on le fait. Ouais, voilà le fait. Ensuite, des rivaux, des ennemis du 18e siècle, Kitty Fisher et Maria Gunning, voilà, sont mortes de la même façon en s'empoisonnant par le plomb, étant donné leur utilisation trop excessive du maquillage. Non, ouais. À l'époque, au 18e siècle, le maquillage contenait du plomb, une substance qui est poison. Et ce qui faisait qu'une personne avait l'air pâle en portant ce maquillage-là, c'était un signe de beauté à cette époque-là. Il fallait avoir l'air pâle. C'était comme ça que les gens voulaient être, finalement. C'est vrai. Jusqu'à 70% des gens vont vivre pas un tic, mais un genre de mouvement de muscles involontaire. On appelle ça un hypnagogic jerk lorsqu'ils s'endorment. Je sais pas si t'as déjà vécu un spasme. Un spasme musculaire quand tu t'endors. Donc, c'est un spasme musculaire involontaire qui a lieu lorsque une personne s'endort. Le phénomène est nommé en l'honneur de l'état hypnagogique, une période transitionnelle ou de transition entre l'état éveillé et l'état endormi. Ça m'est déjà arrivé, ça, plusieurs fois même. Ça m'arrive, je dirais, fréquemment, sinon pas mal tout le ouais, temps. C'est ça, ouais. Juste au moment de t'endormir. Ouais. Là. C'est spécial. En 2003, un adolescent avec un cancer est mort parce que son naturopathe... Son docteur naturopathe, docteur, je sais pas si on peut vraiment dire ça, docteur, a assuré à ses parents qu'il allait régler son cancer par photoluminescence. Il a pris du sang du jeune garçon. Il a exposé ce sang-là à de la lumière ultraviolette à partir d'un appareil. Il a réinjecté ce sang-là dans une solution d'hydrogène peroxyde. Il est mort, le garçon, 9 jours plus tard. Ah, mon Dieu! Naturopathe. C'est ça que ça fait. Le Cherry Springs State Park en Pennsylvanie est classé un 2 sur l'échelle de Bortle Dark Sky, ce qui veut dire qu'il n'y a presque aucune pollution par la lumière et c'est probablement le dernier refuge pour pour voir un ciel naturel la nuit dans la moitié est des États-Unis. Ça doit être très beau. Oui, vraiment. Ben, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est en effet très, très, très, très beau. C'est le parc, encore une fois, de Pennsylvanie, Cherry Springs State Park, donc un parc d'État. Il y a eu une série de bandes dessinées qui essayaient de réparer les dommages collatéraux causés par des super-héros et des super-vilains. Ça s'appelait Damage Control, une compagnie de construction fictive qui apparaissait dans les livres de Marvel Comics. Et leur spécialité, c'était de réparer les dommages causés pendant les conflits entre différents super-héros et super-vilains. Vraiment une excellente idée. J'aimerais qu'ils ramènent ce genre de concept-là. C'est vrai. Ensuite, une ferme en Virginie recrute des bénévoles pour câliner des bébés chèvres. Ah ouais. C'est la ferme Carrowmont Farm à Esmont en Virginie qui accueille 120 chèvres et qui fournit à ses propriétaires donc du fromage vieilli et du fromage tout neuf. Donc, tout frais. Tout frais. En février, 90 autres chèvres sont nées et les fermiers recrutent des bénévoles locaux pour les aimer, les nourrir, jouer avec ces bébés animaux-là une fois qu'ils arrivent dans notre monde, tout saignant et tout neuf. Tout saignant. Ensuite, les dauphins, je me demande s'il y a un mot en français pour ça. Bottlenose dolphin. On va aller voir ça. En français, hein? Toujours dire les choses correctement. Donc, bottlenose dolphin. allez, aide-moi. Bref, ont la meilleure mémoire parmi les non-humains. Ils peuvent reconnaître les sifflements de leur comparse après avoir été séparés pendant plus de 20 ans. Ah, mon Dieu. Pas pire, hein? C'est Internet aujourd'hui qui lag. Oui, vraiment, wow. Je pense que ça lag sur les deux ordinateurs présentement. Cool, super la fin. Bref, les scientifiques, toujours chez les dauphins, ont proposé de donner aux dauphins des droits similaires aux humains, étant donné la structure de leur cerveau et leur système social complexe. Un professeur d'éthique a même dit qu'ils étaient des personnes non humaines. Des personnes non humaines. Pas pire, hein? Quand même. Ensuite... Les dauphins peuvent identifier les humains en vérifiant notre structure squelettique par sonar. Souvent, les victimes de bateaux échoués ou quelque chose comme ça vont se battre contre les requins pour rester au sommet de l'eau. Hein, oui. Genre. Attends un peu. OK. Les dauphins aident les victimes d'accidents de bateau à rester au sommet de l'eau parce que en tant que mammifères, ils comprennent ce que c'est de se noyer. Oh, voilà. C'est mignon. Ouais. C'est gentil, des dauphins. Absolument gentil. Je n'ai pas le mot pour le dauphin, là, ça ne veut pas. Ensuite, ils ont des sages-femmes, tiens. Lorsque le dauphin donne naissance à un autre dauphin, il y a une sage-femme qui est là pour les aider, pour s'assurer que le bébé sorte de façon sécuritaire. Les autres dauphins de la communauté vont encercler le dauphin qui donne naissance pour la protéger des intrus. Dont les requins, maintenant? Oui, exactement. Les dauphins sont capables de se reconnaître et de s'admirer dans le miroir. Ah, ouais? Ouais, il y a des photos de gifs animés même sur assemblage-requis.com. À Laguna, au Brésil, les dauphins vont nager vers les pêcheurs locaux et vont leur signaliser. Vont signaliser en fait aux pêcheurs de lancer leur filet. Les dauphins vont se nourrir des poissons qui essaient de s'échapper de ces filets-là. Ils n'ont pas été entraînés pour ça, en fait, et la collaboration a lieu depuis 1847 au moins. Donc, les dauphins vont aider les pêcheurs à leur dire « Allez, lancez le filet, que je puisse manger les poissons qui s'enfuient. » Ils savent aussi comment utiliser des outils. Ils sont parmi une petite communauté d'animaux qui savent comment s'en servir. Spécifiquement, les dauphins vont utiliser des éponges de mer pour protéger leur nez pendant qu'ils creusent. Ah ouais. Ils vont creuser avec leur nez en mettant une éponge de mer sur leur nez. Les dauphins en Nouvelle-Zélande ont protégé un groupe d'humains d'un grand requin blanc en encerclant le groupe et en formant une barrière protectrice. Encore une autre histoire de protection. Et les dauphins et les baleines ont déjà été vus en train de jouer ensemble. Un dauphin va monter sur la tête de la baleine et ensuite la baleine va tilter un peu, monter sa tête par en haut pour que le dauphin puisse glisser sur son dos jusque dans l'eau. Ah ouais. Que le dauphin saute sur la tête de la baleine et glisse le long de son corps. Ah, c'est drôle quand c'est même. C'est fun, hein? Allez voir les photos et les informations sur assemblagerequis.com. Le Canada consomme plus de beigne et a plus de boutiques de beigne, de restaurants de beigne per capita que n'importe quel autre pays au monde. Ah ouais. Pas très surprenant, ça. Pas du tout surprenant. Albert Podell a passé 50 ans et 300 000 $ à visiter chaque pays sur Terre. Pendant qu'il faisait son voyage, il a été chassé par un animal, un water buffalo. Buffle? Un buffle. Buffle. Il s'est cassé quelques os. Et il a mangé quelques nourritures, quelques aliments bizarres. Il a été arrêté, il a été volé. Il s'est presque fait lancer des roches. Mon Dieu. Et puis, il a coté chaque pays selon la qualité de leur papier de toilette. Ah! Dans son livre « Around the World in 50 Years, My Adventure to Every Country on Earth » par Albert Podell. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Rapidement, quelques derniers. Le 6 avril 1893, Andy Bowen et Jack Burke ont participé au plus long match de boxe de l'histoire. Ils se sont battus pendant 111 rounds de 3 minutes chacun. Ça a pris 7h19 minutes jusqu'à ce que l'arbitre John Duffy annule la partie après que les deux hommes commençaient à être un petit peu fatigués et avaient la tête qui tournait. Donc, il a arrêté le match. No contest. Ben, j'imagine. Ouais. Lagon. Poison. Voilà. Tu sais, comment on appelle ça, les trucs avec des pierres, hein? Comme des pierres à feu, là. Ah. Fred Caillou travaille, là. Comment on appelle ça? Une mine? Pas une mine, il y a un mot en français pour ça, attends, je vais le chercher. Ben, Fred Caillou était un démineur, non? Non, non. C'est une carrière. Ah, une carrière. Des mineurs, c'est ceux qui font exploser des... Oui, qui font des... sauter tout. C'est vrai. Donc, bref, un lagon qui était situé là où il y avait une carrière, voilà, a été teint noir par précaution. C'était que l'eau, en fait, était de couleur azur. Était tellement évidente, ça avait l'air de, tu sais, des photos de voyage, oui, de tourisme qu'on voit. C'était tellement évident que les pancartes n'empêchaient pas les nageurs de s'y aventurer. Et c'était dangereux, c'était un lac poison. Donc, le Blue Lagoon, à l'ancienne carrière de Burlow Road à Harper Hill, à Buxton, en Angleterre. Donc, on l'a teint noir pour que les gens arrêtent d'y plonger. Le Japon a des maisons de retraite pour les chiens âgés pour qu'ils puissent recevoir de l'amour et des soins pendant leurs dernières années. N'est-ce pas cute? C'est au Japon. C'est si mignon. Et finalement, mon fait préféré depuis un bout, c'est rare que des faits que je vais retenir pour toujours. Ça s'appelle un mur AHA. Un AHA wall. C'est un élément de design de mur, en fait, qui crée une barrière verticale tout en gardant la vue. OK, donc le design, c'est comme une petite pente, un peu comme un fossé. Oui. Donc, tu t'imagines qu'en temps normal, un mur, ce serait, bon, t'as un terrain, t'as un mur dans le milieu, les gens peuvent pas se voir du bord bord à l'autre, et tu vois pas ce qu'il y a de l'autre bord. Bon. Donc, à la place, c'est comme un fossé qui va arriver d'un bord, qui descend, et là, t'as un mur, et après ça, le reste du terrain est de la hauteur d'avant le fossé, tu comprends? OK. Donc, t'as terrain, fossé, mur, et le reste du terrain à la hauteur d'avant le fossé. Donc, ça fait que les gens qui sont en haut peuvent voir au loin. Les gens qui sont de l'autre côté peuvent aussi voir au loin, mais s'ils essaient d'avancer, il y a un mur pour protéger. Ça s'appelle un mur AHA. Ça, c'était utilisé dans les batailles autrefois, là, c'est clair. Ben, probablement, mais le nom AHA, ce qu'on sait, c'est que ça vient du moment inattendu ou amusant quand tu découvres en l'approchant que le mur est en fait pas vraiment un mur. Ouais. Il est en fait un muret c'est vrai. Intégré, si on veut. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Ça ne dit pas en effet comment ça a été utilisé, mais c'est une barrière verticale qui préserve la vue de la nature autour. Voilà pour C'est un fait. Les lignes sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause au retour. Tania is gonna entertain. Restez là. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Reiki en ce lundi 21 mars 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, mais Mathieu Plante n'est pas important en ce moment. Hein, il se met dans le siège en arrière, tu sais là? Tu sais là où tu peux... t'évacher un petit peu. Ok, puis, ok. Le siège dans la voiture. Oui. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Parce que toi, tu conduis. Voilà. Tu nous conduis vers le bonheur. Oh. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bon matin. Bon matin, bon début de semaine, on est lundi aujourd'hui. Oui, donc première journée de semaine. Oui, c'est là qu'on chante la chanson complète. Bon. Oui. Mais pas complète parce qu'elle dure comme 35 minutes. Non, c'est ça. Mais faudrait pas quand même là. On n'ambitionnera pas. Aujourd'hui, on parle de sport, Tania. Mais oui, on va parler de sport parce que mon Dieu, dit mars, dit début de fin de session début en temps normal. Début de fin de session, oui, c'est ouais, vrai ça. Des débuts de fin de session bien souvent. Puis ce qui arrive, c'est qu'on tente de donner aux étudiants athlètes environ un mois de d'école normale et d'études pour justement arriver à passer leur session. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce qu'on sait, les athlètes étudiants, la plupart du temps, vont faire comme une espèce de jonglerie entre leur étude et le sport qu'ils pratiquent. Donc, de ce côté-là, on tente vraiment d'essayer de donner le plus de temps possible en fin de session aux athlètes et surtout en fin, je veux pas dire en fin d'année, là, mais presque. Fin d'année scolaire. Oui, fin d'année scolaire pour justement promouvoir l'importance de l'étude et des bonnes notes. Mais dans le fond, t'es en train de dire qu'on devrait arrêter de faire de la radio le matin parce que ça pourrait déranger les gens dans leur étude. Ah, c'est peut-être ça. On va y penser. On va vous revenir avec ces réponses-là. Et cette fin de semaine, eh bien, c'était plusieurs championnats qui se déroulaient selon les disciplines, donc différentes disciplines, et les Patriotes de l'UQTR, eh bien, n'ont pas été mis de côté parce que ils étaient présents dans presque tous les championnats. Oh. Et de ce côté-là, ben, je vais vous faire comme une espèce de retour sur ce qui s'est produit durant la fin de semaine parce que, comme je l'ai dit, on avait plusieurs championnats, 4 championnats différents cette fin de semaine dans 4 disciplines différentes. Et les Patriotes de l'UQTR se sont quand même très bien représentés eux-mêmes dans toutes les disciplines. Donc, de ce côté-là, on doit être très fiers de nos athlètes. Et on va commencer par le volleyball. Volleyball féminin, eh bien, ça se passait ici au CAPS de l'UQTR. C'était bien évidemment le championnat provincial RSEQ. On est allé jusqu'en finale D2 pour le volleyball féminin. On s'est rendu en finale après une victoire sur l'Université du Québec à Rimouski en 4-7. Et on affrontait l'Université du Québec à Chicoutimi en finale. Malheureusement, on s'est incliné en 3-7 de 25-19, 25-18 et 25-23 contre justement l'UQAC qui est l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce qui est le fun, c'est que s'incliner pour ces filles-là sont quand même assez grandes, fait qu'ils sont comme juste de la grandeur normale. C'est ça, finalement, si eux s'inclinent, ça revient à ma grandeur à moi. C'est correct. Donc, petite défaite du côté du volleyball féminin. On termine deuxième au championnat RSEQ du côté volleyball. La joueuse du match pour la finale a été Audrey Marcoux des Patriotes de l'UQTR. Apparemment, malheureusement, j'ai pas pu voir parce que j'étais pris dans un autre championnat du côté des Patriotes, mais apparemment que c'était un très beau jeu. Il y a eu une belle fin de semaine de bonnes compétitions et les filles ont très, très bien fait ce qu'elles devaient faire et ont très bien porté fièrement les couleurs des Patriotes. Il y avait aussi le championnat provincial de cheerleading qui se disputait à Montréal, du côté de l'UQAM. Donc, je pense que c'était comme dans le 12e sous-sol de l'UQAM. Là. Il y avait la compétition de cheerleaders. On doit mettre en contexte ce qui s'est produit avant la compétition. Donc, malheureusement, de ce côté-là, on a eu une blessure d'une des voltiges des cheerleaders de l'UQTR, ce qui fait en sorte que l'on doit revisiter toute la routine une semaine avant la compétition. On s'entend, les filles ont pratiquement 2 à 3 pratiques par semaine. On monte un numéro qui dure approximativement 3 à 3 minutes et demie. Mais là, du moment où que la blessure se produit, on a simplement une semaine, ce qui équivaut à peu près à 2 pratiques pour revoir une routine complète. Donc, de ce côté-là, on arrivait au championnat quand même avec une bonne attitude, mais on s'attendait pas à faire des ravages ou quoi que ce soit. Et malgré la blessure de cette voltige qui n'a pas pu participer, malheureusement, eh bien, on a terminé 2e au championnat de cheerleaders pour les Patriotes de l'UQTR. Et apparemment qu'on a beaucoup impressionné les juges qui étaient là, non seulement pour la rapidité d'acquisition de cette fameuse routine-là, mais aussi pour l'énergie et le talent qui s'est démontré quand on a dû faire les routines et tout ce qui était acrobatique. Donc, 2e au championnat pour les Patriotes en cheerleading. Ça a été une grosse saison de la part de l'équipe. Il faut comprendre aussi que du côté sportif, universitaire, c'est souvent quelque chose qui va devoir être fait aux 3 ans. À moins qu'on décide de faire une maîtrise ou un doctorat, bien évidemment, un bac, oui, tu peux le faire en 4 ans, mais souvent, ça va se faire en 3 ans. Donc, de ce côté-là, c'est les athlètes qui vont changer et parfois aussi les entraîneurs. Ouais. Donc, du côté des cheerleaders, on avait de nouvelles entraîneurs. On a relevé ses manches, on a travaillé très fort. L'équipe se tient. L'équipe est très forte présentement versus plusieurs autres universités. Donc, de ce côté-là, ça va être très intéressant à voir dès la session prochaine, la prochaine année, à quoi est-ce que ça va ressembler parce que on termine la saison forte, on a fait du gros travail et bien évidemment, les filles qui étaient blessées durant cette dernière compétition vont être de retour. Donc, on va avoir nos éléments forts qui vont revenir et qui vont pouvoir justement nous faire voir peut-être les cheerleaders sous un autre œil parce qu'il faut savoir que c'est pas simplement les filles qui encouragent les équipes, les cheerleaders rendus au c'est niveau... C'est pas parce que dans les films, ils appellent ça des pom-pom girls. C'est que c'est... c'est pas la même chose, ou là. Ou des meneuses de claques. C'est vraiment une compétition acrobatique, gymnastique et danse. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, restez à l'affût, allez sur la page Facebook ou quoi que ce soit parce que l'année prochaine, ils vont être de retour et ça devrait être très, très fort au niveau provincial. Ouais. Il y avait bien évidemment le championnat canadien de hockey. Donc, les Patriotes de l'UQTR, qui sont quand même les champions de la Coupe Queens ici, au UA, là, donc en fait, c'est ontarien. Parce qu'on le sait, on a simplement 3 équipes du côté du Québec, c'est-à-dire Concordia, McGill et l'UQTR. Donc, on fait partie en quelque sorte de 2 réseaux en même temps, parce qu'on est la seule université francophone dans tout ça. Et c'est un petit peu ce qui fait une rivalité aussi, c'est que depuis plusieurs années, les Patriotes se mettent très, très haut au niveau du championnat, au classement du championnat, et on est la seule université francophone. Donc, de ce côté-là, ça crée des rivalités qui sont quand même très grandes, non seulement pour le talent des joueurs, mais aussi pour la langue, parce que, bien évidemment, le championnat ontarien, c'est un championnat qui se dispute en Ontario. Donc, bien souvent, on va espérer que ce soit une équipe anglophone qui va gagner. Mais depuis, je pense, les 15 à 20 dernières années, c'est souvent les Patriotes qui vont repartir avec la Coupe Queen's et c'est une université francophone. Donc, de ce côté-là, ça fait jaser, ça crée une espèce de rivalité français-anglais. On jaloux. C'est ça, un petit peu. Mais il faut savoir aussi que de ce côté-là, l'UQTR est extrêmement avantagé parce que pour le repêchage des joueurs qui parlent francophone... Qui parlent français, qui sont francophones, bien, l'UQTR devient une option de jeu très, très remarquable. Donc, les gars peuvent continuer leur étude en français sans vraiment devoir aller ailleurs et ils peuvent aussi très bien performer. On le sait, les joueurs de l'UQTR sont réputés pour la réputation qu'ils ont, donc très bons joueurs. Donc, Donc, de ce côté-là, je pense que l'UQTR, si on devait avoir d'autres universités francophones qui se mettent dans le réseau, peut-être que ça viendrait nous enlever des repêchages de joueurs. Donc, de ce côté-là, c'est un débat qui se fait voir et est-ce qui que ça se parle entendre. D'avoir du hockey ailleurs? On parle Sherbrooke, Université Laval. On se demande beaucoup, beaucoup pourquoi l'Université Laval n'a pas encore une équipe de hockey. On le sait, on a vu ici avec un projet d'équipe football, c'est des coûts. C'est des coûts qui s'ajoutent à tout ça parce que, bien évidemment, ce sont des athlètes, donc veux, pas, c'est des bourses et tout ça. C'est souvent aussi un projet à monter qui va prendre du temps parce que, comme je l'ai dit, c'est sur 3 ans. Donc, pour développer une équipe, ça prend du temps, ça prend du repêchage, ça prend des entraîneurs. Donc, de ce côté-là, c'est des coûts, mais oui, pour avoir d'autres universités francophones ou simplement d'autres universités au Québec qui viendraient vraiment appliquer cette espèce de sport-études-là, en quelque sorte. Ça a beaucoup de discussions, mais comme je l'ai dit, ça viendrait enlever comme une espèce d'air d'aller du repêchage des Patriotes de l'UQTR. Donc, est-ce que de ce côté-là, on voudrait vraiment avoir d'autres équipes francophones dans la Ligue où on garde simplement les Patriotes qui ont vraiment un bassin, là, parce qu'on doit se le dire, ils ont un bassin de repêchage quand même assez grand pour les joueurs qui parlent simplement francophone. Donc, je vais vous laisser faire votre propre opinion de s'il devrait y avoir d'autres universités ou non. Mais je pense que même s'il y avait d'autres universités, le repêchage et le talent des entraîneurs des Patriotes de l'UQTR feraient en sorte que même les joueurs qu'on repêcherait seraient très bons et on se retrouverait pareil en haut du classement du championnat. Peut-être. Donc, côté championnat canadien, ça se passait du côté de Halifax. Malheureusement, on a eu une défaite dès le premier match de 3-2 face à l'équipe locale qui était les Huskies de St. Mary's. Ce qui fait que dans un championnat comme ça, il y avait 8 équipes qui compétitionnaient. Et ça se passait, si tu gagnes, tu passes à la prochaine ronde. Si tu perds, tu perds. Mm-hmm. T'es plus du championnat, malheureusement. Donc, de ce côté-là, les Patriotes de l'UQTR ont malheureusement dû revenir ici à Trois-Rivières. Il y avait des joueurs un petit peu plus gros. On le sait, nos joueurs ici à Trois-Rivières sont pas, je vais pas dire énormes, là, mais côté calibre, côté grandeur, côté carrure, nos joueurs sont pas extrêmement grands. Ce qui a peut-être montré un désavantage face aux Huskies de St. Mary's, parce que les gars sont des armoires huge, à glace, là. Ouais. C'est comme, tu l'as dit, c'est huge, là. Les gars sont des monstres. Et par contre, nous, on est très rapides. Donc, de ce côté-là, c'est, tu sais, on a nos forces. C'est comme Bowser contre Toad dans Mario Kart, là. Tu peux pas. Exactement. On a eu un début de troisième période quand même assez difficile et lent pour les Patriotes, mais les 5 dernières minutes de la partie ont été très intenses parce que de ce côté-là, on a eu un avantage numérique, ce qui faisait en sorte que l'on pouvait peut-être venir égaliser le match. À ce moment-là, c'était 3-1. En 5 minutes, faire 2 buts, c'est faisable. On a déjà vu les Patriotes le faire dans un match de championnat. C'est différent. On a le stress, on a l'adrénaline, puis tout ça. Mais malheureusement, on a simplement réussi à faire 3-2 à 3 minutes de la fin. Et c'est ce qui a fait que les Patriotes de l'UQTR sont revenus un petit peu plus tôt que ce que l'on espérait du championnat. Il faut savoir qu'en grandeur de la saison, pour toute la saison qui s'est passée, un des joueurs de qui on a beaucoup entendu parler, c'est Guillaume Masselin. C'est un joueur qui est très, très fort sur la glace, un pointeur qui est remarquable. Ce gars-là, si vous lui donnez une poque, je pense qu'il peut faire 5 buts en dedans de 30 secondes. C'est très, très, très impressionnant à voir aller. Et aussi le gardien de but, Sébastien Auger, qui a pris la relève cette saison. L'année dernière, c'était Francis Desrosiers, mais après une blessure, on a fait place à Sébastien Auger. Je pense que Sébastien Auger a vraiment réussi à démontrer ce qu'il valait dans le filet parce que il a battu des records, veut pas, de saison régulière. C'est le gardien de but à avoir gardé les buts le plus longtemps pendant la saison régulière. On l'a mis aussi au filet pendant le championnat. C'est un gardien qui reste très, très froid et très, très sain d'esprit. C'est très impressionnant de le voir aller. Si jamais la saison prochaine, vous êtes intéressé à aller voir de plus en plus le hockey, gardez un œil sur Sébastien Auger parce que c'est le gardien de but qui fait beaucoup parler présentement dans la Ligue. Il a été remarquable. Et comme je le disais, il faut pas oublier que les Patriotes, oui, reviennent du championnat canadien, malheureusement, bredouille en quelque sorte. mais on est quand même champion de la Coupe Queens et on a battu tous les records de la Ligue cette année. Donc, c'est très, très, très remarquable pour la troupe de Marc-Étienne Hubert, qui est l'entraîneur-chef. Et on perd deux grands joueurs cette saison, à la fin de cette saison, en fait. Donc, Marc-Olivier Mimard qui s'en va et Antoine Verrette. On va aller chercher d'autres joueurs aussi. De ce côté-là, on va aller essayer de chercher des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus robustes et un petit peu plus gros, comme on le disait, pour venir équilibrer face aux autres équipes, comme le disait Marc-Étienne Hubert après la défaite, malheureusement. Mm-hmm. Et il y avait aussi, cette fin de semaine, le championnat provincial universitaire de soccer qui se déroulait du côté du centre sportif Alphonse Desjardins. Donc, c'était intérieur, bien évidemment. C'était présenté par le RSEQ, encore une fois. Le soccer, je dirais que c'est, je ne vais pas dire très peu connu, mais on est au Québec, on a tendance à mettre l'emphase sur le sport qui est le hockey, le sport national, entre guillemets. Là, je fais vraiment les, ouais, ouais. Je fais vraiment les guillemets. Mais il faut savoir que l'équipe de soccer des Patriotes de l'université ici est très, très, très forte. Elle est très peu connue, mais c'est une excellente équipe au sein du réseau. Et on a eu une première victoire de 3-2 sur le Rouge et Or de Laval. Ça s'est super bien déroulé de ce côté-là. Les gars étaient vraiment très focus. Je veux pas dire que ça a été facile, parce que ça n'a pas été nécessairement facile. Moi, j'étais du côté du centre sportif Alphonse Desjardins pour en faire l'animation, annoncer les matchs. Ça n'a pas été extrêmement facile. Par contre, on était très, très fiers. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mettre de l'ambiance dans la place. Et on le voyait que les Patriotes de l'UQTR le voulaient, ce match-là. Donc, de ce côté-là, on a gagné en demi-finale, ce qui nous menait à hier, 13h pour... Non, pas 13h, 15h, pardon, pour la finale qui allait se dérouler contre les Carabins de l'Université de Montréal. Les Carabins de l'Université de Montréal, on le sait, sont réputés pour être une équipe où, bien souvent, on va pouvoir aller repêcher des joueurs pour l'impact un peu plus tard. Donc, lorsqu'est venu le match des Carabins en demi-finale, on se battait contre le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Et là, de ce côté-là, je pense que ça a été un petit peu plus difficile du côté de Sherbrooke que du côté des Carabins de l'Université de Montréal. On a gagné 6-0 pour l'UDM. Ouais. Et à ce moment-là, au moment où que, il faut comprendre que les Patriotes ont joué leur game, on a gagné, on sait qu'on s'en va en finale. Les Patriotes ont quitté l'endroit et c'est le match des Carabins. Au moment où le match des Carabins a commencé, on s'est dit « OK, ça va être smooth, ça va être correct ». Et ça a commencé à débouler 1-0, 2-0, 3-0. Ça n'arrêtait plus. Et de ce côté-là, on a commencé à se dire « Hé, est-ce que la finale va être difficile pour les Patriotes de l'UQTR? Est-ce qu'on va se faire... laver. Est-ce que on va être de taille? Parce que là, bien évidemment, on se rendait compte que peut-être que l'Université de Sherbrooke avait pas été nécessairement aussi forte que les Carabins pour la demi-finale. Donc, côté finale, ça nous mettait un petit peu l'eau à la bouche de voir comment est-ce que les Pats allaient pouvoir se démarquer. Mais sachez que les Patriotes rendus en finale du match contre les Carabins ont très bien fait. Malheureusement, on a perdu, on a terminé deuxième au championnat provincial. Par contre, simplement par la marque de 1-0 des Carabins de l'Université de Montréal. Et c'est un but qui a vraiment tout changé. Je dirais que la première demi de match a été très, très, très intense. Les gars voulaient le ballon. Les gars étaient très d'attaque. Tandis que la deuxième demi, on sentait que les gars commençaient à être peut-être plus fatigués. Deux matchs en deux jours, c'est beaucoup. Même les joueurs des Carabins se voyaient de plus en plus fatigués. De plus en plus slow motion, peut-être. Parce qu'il faut savoir qu'en temps normal, un championnat comme ça va se dérouler sur plusieurs jours pour justement laisser plus de temps aux joueurs entre les matchs de pouvoir se calmer, relaxer, laisser aller nos muscles un peu, parce que les gars qui vont participer à ces joutes, t'es fier de ton mot. Ouais, je suis vraiment fier de mon mot. C'est 2,45 minutes. Et bien souvent, ce sont les mêmes joueurs qui vont jouer les 90 minutes sur le terrain au complet. Ouais. Donc, si on demande à nos meilleurs joueurs de jouer pendant la demi-finale et on redemande à nos meilleurs joueurs de jouer pendant la finale, c'est beaucoup de temps sur un terrain pour des joueurs de soccer. Donc, de ce côté-là, on voulait peut-être éviter les blessures. Donc, la deuxième demi de la finale a été peut-être un petit peu plus calme. On n'était pas moins agressif du côté du ballon pour les Patriotes de l'UQTR, mais malheureusement, on a manqué de temps et c'est ce qui a mené à la défaite des Patriotes. Mais on est quand même terminé deuxième au championnat provincial du côté du soccer. Et je vous invite la saison prochaine. Oui, la saison prochaine, ça devrait commencer en septembre. Les camps de sélection devraient être aux alentours de août. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour aux parties de soccer parce que, un, il n'y a pas non seulement l'équipe de hockey, mais sachez qu'il y a vraiment une mine d'or pour le spectacle des Patriotes de l'UQTR du côté du soccer masculin et féminin. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça dans les médias étudiants là-bas, savoir s'ils utilisent des jeux de mots dans leurs journaux, t'sais, mettons comme t'sais, les carabins encastrables ou les carabins sur pattes. Je sais pas, mais je dois avouer que j'étais sur la galerie de presse avec les gars de Patriotes.tv et je dois lever mon chapeau aux deux gars qui s'occupaient de la description du match. Oui, oui. Les commentateurs, ils ont fait un très beau travail. Donc, de ce côté-là, Patriotes.tv, chapeau, parce que ça se prenait un petit peu partout à Trois-Rivières, du côté du volleyball, du côté du soccer. Donc, les gars qui étaient du côté du soccer ont très bien expliqué ce qui se passait sur le terrain et sur le jeu. Exemple, on expliquait les hors-jeux, qu'est-ce que c'était exactement. On allait expliquer pourquoi on faisait des changements ou quoi que ce soit. Donc, on a vraiment été expliqué aux téléspectateurs qui connaissaient peut-être un petit peu moins le jeu en tant que tel, comment est-ce que ça fonctionnait. Et de ce côté-là, Jeffrey, félicitations. Bravo. Oui. Voilà, donc ça, c'était un petit résumé des sports de la fin de semaine. Oui. T'as bien fait ça, Tania. Merci. Tu devrais faire ça à un moment donné. Je devrais. Est-ce qu'on se quitte avec une chanson musicale? Ben oui, en fait, on va se laisser avec la chanson thème de la saison 2014-2015 des Patriotes de l'UQTR. C'est « I Lived the One Republic ». Tout de suite, à l'assemblage requis. Take that jump, you don't fear the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. And it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll stay. I swear I lived. I did it all. I owned every I Live, The One Republic, la chanson thème de la saison 2014-2015 des Patriotes de l'UQTR. Merci Tania. Ça fait plaisir. Pour Tania, it's gonna entertain you. Au retour de la pause, Samuel Girard et sa chronique hebdomadaire. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Rocky, en ce lundi 21 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et comme tous les lundis, ben, on reçoit Samuel Girard pour parler d'actualité, de politique, de choses sur lesquelles il est important d'avoir une opinion. Mm-hmm. On dit. Donc le voici, c'est Samuel Girard. Bonjour à toi, Samuel. Hey, bonjour. Ça va? Oui, oui. En tout cas, le mieux que je sois capable de parler, ça va aller. Il arrête pas de dire que sa voix est de pire en pire puis qu'il va perdre la voix, mais là, t'es encore écoutable, au moins. Ben, c'est bien que je sois encore écoutable. Oui. Parce que moi, je commence à avoir de la misère à m'écouter. Hein. On te le dira, mais qu'on saute année, puis on te dira, OK, ta chronique, c'était la dernière. Ouais, c'est ça, c'est terminé. T'arrêtes ça là. Donc, on parlera quand t'auras une meilleure voix. C'est ça. On se reparlera à l'automne. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je fais un petit combo. On va parler d'austérité. Okay. Et on va parler de recyclage. Ah, boy! Deux sujets qui barrent en même temps. Austérité, ça veut dire t'sais, sauver de l'argent, donc économiser, alors qu'on essaie de sauver la planète. Oui, c'est une bonne manière de faire des liens avec mes sujets. Ouais. Non, en fait, qu'est-ce qui m'a amené le sujet de l'austérité, c'est la sortie du dernier budget libéral. Ben oui, c'est ça. Donc, je ne vous décrirai pas tout ce qu'il y a dans le budget. Ça, je me garde ça pour mon émission. Oui, ben ouais, c'est, garde les sujets importants pour ton émission. Mais c'est important, ça aussi. C'est ça, on parle quand même de Monsieur Général Leitao, là. Oui, c'est ça, Monsieur Général Leitao. Moi, c'est le même que je l'appelle. C'est beau. Merci. C'est beau, on parle ici de Carlos Leitao. Voilà. Notre ministre des Finances, qui a présenté son budget sans s'acheter de nouveaux souliers. Oh, OK. Oh. Ouais, c'était une question qu'on se posait. Chaque année, la tradition... C'est que le ministre des Finances s'achète une nouvelle paire de souliers. Mais tu sais, quand tu me parles à moi, là, parle-moi comme si j'étais un moron. Mais il ne s'achète pas une paire de souliers en temps normal, c'est si le budget va bien? Ça se pourrait. Mais semble... Vu que tous les ministres des Finances veulent nous dire que le budget va bien, je pense qu'à chaque année, ils s'achètent une paire de souliers. Ah, bon. En tout cas, je me rappelle pas c'est quel le dernier ministre des Finances à avoir sauté. Une année. Ouais. En tout cas, depuis que je suis la politique. Là. C'est ça. C'est chaque tradition a sa raison d'être, ça a l'air. C'est ça. Donc, en fait, c'est un texte de Vincent Gelozo, qui est économiste dans le Journal de Montréal. En fait, il a son blog, mais de temps en temps, il fait aussi paraître ses textes ailleurs pour les diffuser en plus grand nombre. Donc, c'est ça, lui, il a décidé d'écrire sur le sujet. Et le titre est assez intéressant. Il appelle ça, entre guillemets, hystérité historique. Oh! C'est chic. Hystérité, c'est un jeu de mots, fait que j'aime ça. Ouais, c'est exactement. C'est un beau jeu de mots. Puis ça l'a un peu. Ça l'a un peu piqué ma curiosité sur pourquoi il avait choisi ce titre-là. Et bien, la première chose qu'on voit en dessous du titre, c'est une figure qui montre les périodes de croissance et de régression économique. Ouais. OK? La manière que ça fonctionne en économie, c'est qu'il y a deux règles majeures à respecter. Là, je tombe pas dans les affaires très complexes. C'est que quand que l'économie va moins bien, le gouvernement se doit d'investir massivement pour éviter une crise économique. Ouais. Pour éviter qu'il y ait trop de gens qui perdent leur emploi et qu'il y ait un trop grand ralentissement d'économie. Quand que l'économie va bien, le rôle du gouvernement est de resserrer les dépenses de l'État pour retrouver l'équilibre budgétaire. Mmh. OK? Ce qui arrive souvent, c'est que les gouvernements ont tendance à oublier la deuxième partie parce que la deuxième partie ne garantit pas des votes. Ah. OK? C'est plus difficile. Ouais. Bon, il y a des gouvernements quand même qui décident de prendre les choses en main et de se serrer la ceinture. Ce qu'on remarque dans le graphique... Lassé, des fois, ouais, c'est ça. Les lassés. Exact, ça marche aussi. Hein, il y a tellement d'escaliers au Parlement. Voilà. Non. Bon. ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que le graphique nous montre? C'est les dépenses du gouvernement provincial en pourcentage du PIB depuis 1926. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on est actuellement dans une des plus faibles diminutions des dépenses de l'État depuis 1926. Mais c'est la seule période qu'on appelle collectivement période d'austérité. Mm-hmm. OK? C'est ce qui a inspiré le titre. Bon, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a été convoqué pour analyser le budget à huis clos. Bon, on le sait tous, ce qui a attiré l'attention cette journée-là, c'est pas le budget, mais c'est plutôt l'arrestation de Nathalie Normandeau. Oui, oui, parce que les gens ont les priorités à la bonne place. Ah, toujours, c'est toujours. Hein, même les journalistes qui étaient là faisaient exprès, parce que quand tu rentres à huis clos, faut que tu donnes ton cellulaire puis tout accès à l'extérieur que tu peux avoir. À Twitter. Et... Ah, tu laisses tout en rentrant. Ouais. T'as pas le droit de parler à personne pendant que t'es à huis clos, et t'as juste le droit de ressortir quand que le budget est annoncé. Mm. OK? Et là, les journalistes faisaient exprès, se trouver des excuses pour arriver en retard, pour pouvoir couvrir l'histoire de l'UPAC. Bon. Fait que lui, il dit la pile de livres d'appui au budget était plus longue qu'un sous-marin 12 pouces chez Subway. OK? Ouais, c'est pour te donner une belle image comparative. Donc, il dit, c'est très simple. Il dit, tu t'en vas là-dedans, tu t'y perds. Il y a plein de termes qui veulent dire la même chose. Le gouvernement utilise plein de détours pour dire qu'ils ont bien fait dans tel domaine. On organise les chiffres. Bref, tout est bien présenté. Ben oui. OK? Et il dit que lui, il passe là-dedans, puis il dit, c'est un ramassis de mots qui nous donne pas d'idée vraiment sur vers où le gouvernement s'en va. Il dit, c'est compliqué. Donc, lui, il s'est amusé à écrire un texte pour simplifier ça. Oui, vulgariser la chose. Vulgariser la chose. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que le Québec, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses et de dettes, qui est tranquillement en train de se faire rattraper par l'Ontario et l'Alberta, parce que l'Ontario, on le sait maintenant, ils ont un gouvernement libéral qui est très, très, très dépensier. Mm-hmm. Et l'Alberta, maintenant, est passé entre les mains du NPD. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu la façon de gouverner. Donc, le Québec a maintenant de la compétition en termes de gaspillage de fonds publics. Je peux dire ça comme ça? À ton avis. À mon avis. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est des investissements. dépendant de comment on voit ça. Donc, c'est ça. Et les seules provinces qui font pire que le Québec, ben, c'est la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Mais eux, c'est connu depuis longtemps que c'est pas les maîtres dans la gestion des dépenses. Mm. OK? Ça, c'est selon l'économiste. Oui, c'est ça. Évidemment. Ouais. Parce que tout ce que je vais dire dans ce texte-là, eh bien, sachez que vous pouvez très certainement trouver des économistes qui vont dire le contraire. C'est le but de la chose, oui. C'est la beauté du milieu des économistes. Exact. Bon, donc, l'effort de réduction des dépenses publiques est le plus petit de tous les efforts depuis 1945. OK, donc, en 1945, on parlait de 3,6% de changement. C'est toujours par rapport au PIB. Mm-hmm. OK, parce qu'il faut se situer, c'est pas la même valeur du dollar, c'est pas le même coût de la vie. Bon, l'économie roule pas de la même manière. Donc, lui, il a tout ramené ça en pourcentage du PIB, puis comment l'économie roule. Je trouve que c'est une bonne manière de procéder là, pour comparer. Simple un peu à comprendre. Ouais, comparer les choses ensemble. Donc, Maurice Plessis a réduit les dépenses de 10% relativement à l'économie entre 1848 et 1951. Et René Lévesque et Robert Bourassa ont réduit la taille de l'État de 14% entre 1983 et 1989. Lucien Bouchard l'a réduit de 10% entre 1994 et 2000. Et là, c'est pas ça du tout qu'on a. Non? Non, c'est très faible comme réduction de dépenses de l'État. Ensuite, il y a des réductions de l'État, mais il faut regarder aussi par rapport à la taille de l'État. L'État occupe quel pourcentage de l'économie québécoise? Mmh. Donc ça, c'est un autre comparatif qu'il donne. Donc Duplessis, lui, quand il a fait sa compression de la taille de l'État, celui-ci représentait à peine un 20e de l'économie québécoise. Donc 20%. Un 20e, 5%. Ouais, oui, oui, oui. Pourquoi je m'en allais, je me suis dit que je m'en allais avec mon 20%, là? C'est pas facile. Bon. Lorsque l'évêque et Bourassa l'ont fait, on parlait de 26%, qui a été le sommet qui a été atteint en termes de l'espace qu'a occupé l'État par rapport à l'économie. Bouchard a réduit les dépenses d'un sommet similaire. Ensuite, Jean Charest a tout défait entre 2003 et 2012, si on le savait. Lui, c'est let's go, l'argent sortait puis il y avait plus de fonds. Ça l'a aidé pendant la crise économique de 2007-2008, là, quand ça allait pas bien, mais il a jamais réussi après ça à repartir pour... Quand je vous dis, là, on dépense, mais quand ça recommence à bien aller, ben normalement, tu dois réinvestir dans ton, dans tes fonds, dans ta dette, ces choses-là. Mais eux, ils l'ont pas fait. C'est ça. Maintenant, on est environ à 25%. Puis, on se tient autour de... C'est les... ouais, c'est ça. Puis ça a jamais diminué depuis que les libéraux l'ont en 2003 à autour de 22%. Donc bonjour l'austérité. c'est ce que les chiffres veulent dire. Le gouvernement libéral lui-même reconnaît que ce n'est pas seulement que les revenus ont augmenté, c'est qu'ils ont augmenté en pourcentage de l'économie. Donc on n'a pas juste augmenté les revenus de l'État, mais c'est que par rapport à l'économie du Québec, même le pourcentage a augmenté. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le gouvernement aime ça, aller piger dans les poches du monde, OK? On augmente des taxes, on augmente les impôts, bon, c'est toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir des revenus ailleurs que ça? OK? On dit, si vous n'êtes pas capable d'abord d'augmenter les revenus, ben trouvez une manière de réduire les dépenses. Mm-hmm. Mais on dirait que c'est difficile de regarder cette colonne-là. L'autre problème que je remarque, OK, c'est comment ça est-ce que notre gouvernement actuel a fait un des plus petits efforts de réduction de l'État depuis 1926, mais c'est le plus critiqué. Il y a deux possibilités. C'est soit le mot austérité est devenu très, très, très à la mode. Oui, oui. OK? Donc, puisque je suis rarement à la mode, j'aime pas utiliser ce mot-là. Tu utilises quoi comme mot, sinon? Moi, j'appelle ça de la rigueur budgétaire. D'accord. OK? Sauf qu'on s'entend, le bon mot, c'est austérité. Oui. Mais bon, j'aime ça faire différent. c'est ça. OK, parfait, c'est peut-être tombé à mode, mais au-delà de ça, est-ce que ça se pourrait qu'on ait actuellement le gouvernement qui ait fait le moins bon travail en termes de réduction de l'État? Je m'explique. Est-ce que ça se pourrait que les coupures aient été faites tellement à des places, à de mauvaises places, que ça paraît pire que c'est par rapport aux autres qui ont fait des plus grandes compressions de l'État québécois? OK? Ça amène un paquet de questions. Mais je pense que la vérité, entre guillemets, c'est que justement, les coupures ont tellement été faites à des endroits pas d'allure, entre guillemets, par rapport aux endroits où il aurait dû être faites, que ça paraît pire que les autres, et que là, ça a parti le fameux mouvement de lutter contre l'austérité. Ouais. Dans quoi est-ce qu'ils ont coupé, maintenant? Dans quoi est-ce qu'ils ont coupé? L'éducation? En fait, ils ont coupé dans tout. OK. Chaque ministère a eu son lot de compression à faire. Mais tu dis qu'il y a des places ça a été coupées qui auraient peut-être qui paraissent plus, donc qui ont coupé plus, j'imagine. Ben en fait, je vais t'expliquer un petit peu ma vision de la chose. C'est que le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent leur budget, ok, et ils disent parfait, on peut couper tant de pourcents du budget pour tel ministère, ok. Donc on va demander une compression de tant de millions de dollars à tel ministère, à tel organisme. Bon, go, on lance ça. Eux, ils font leur travail, ils analysent leurs choses et ils disent « Parfait, voici les montants qu'on demande à chacun comme réduction. » On envoie la commande à des dirigeants qui s'occupent de ces ministères-là, qui s'occupent des organismes gouvernementaux. Bon, donc on leur envoie cette commande-là. Eux reçoivent la commande de couper tant de millions. Là, ils regardent autour d'eux. Puis là, ils font comme « Bon, attends une minute, là, on a nos amis qui sont placés là, on a nos salaires dans les 6 chiffres, on a nos rencontres avec toutes dépenses payées, on a un budget discrétionnaire, on a les repas fournis, tout ça. » Qu'est-ce qui reste à couper après ça? Non, il n'y a rien à couper là-dedans, on va passer ça à l'autre étage en dessous. OK. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive en bas de la pyramide inversée, ouais. OK, ce que je trouve vraiment mauvais déjà comme système en partant, on a une pyramide inversée, donc le service, c'est la pointe en bas. Oui. Il me semble qu'on paye pour des services. Donc, on arrive là, et là, il n'y a plus moyen de descendre plus bas. Qui doit encaisser toutes les coupures? Le service. Ouais. Okay? Et j'ai souvent l'impression que c'est comme ça que ça a fonctionné, ce qui fait en sorte que c'est toujours coupé aux mauvaises places, alors que tout le monde a espoir que de voir ça couper plus haut. Ah, d'accord. OK? Qu'est-ce que ça donne comme effet? Ben, ça fait en sorte que quand on touche au service des gens et qu'on paye des taxes et impôts pour des services... Là, on le remarque plus. On le remarque plus. Ça a bien du sens, dit comme ça. Mm-hmm. Ouais. Bon, moi, c'est ce que je remarque. OK? Le problème, c'est que là, on se dit, parfait, mais le gouvernement fait son travail. OK, parfait. Mais est-ce que le gouvernement aurait le droit de dire aussi, ben, garde, on vous demande de couper, mais vous n'avez pas touché à ça, mm-hmm. ça, ça et ça. Alors qu'on dirait que pour l'instant, c'est pas ça qu'ils font mm-hmm. du tout. Donc, ça laisse la chance à des personnes de couper n'importe où. Alors que normalement, ils devraient couper dans les étages supérieurs, dans des espèces d'acquis que c'est considéré comme du luxe. Mais on dirait qu'on n'est pas capable de voir ça, qu'on atteint un certain stade dans la société. Donc ça, c'est le côté un peu plus dommage là-dedans. Et donc, il termine son texte en disant « Il n'y a pas vraiment d'austérité, mais il y a beaucoup d'hystérité. » Donc, de là, le lien avec le titre. Son titre, voilà. C'est ça. Donc, moi, c'est un économiste que j'aime beaucoup lire. On rappelle son nom, c'est dans le Journal de Montréal? C'est Vincent Gelozo. D'accord. Donc, si vous voulez aller chercher, il y a son blog, il écrit dans le Québec Huffington Post. Ouais. De temps en temps, il y a ses textes qui se rendent dans le Journal de Montréal. Et on l'entend aussi des fois à la radio. Donc, mm-hmm. il est souvent invité pour jaser. Très, très bon vulgarisateur. Il a le don de prendre des notions très complexes puis de les simplifier, de nous sortir les chiffres importants. Et il a le don aussi de prendre des textes d'économistes puis de nous dire tout ce qu'ils ont fait de pas correct dans leur démarche. Ça, je trouve ça drôle. Ouais. Surtout quand quelqu'un m'arrive avec le texte de cet économiste-là pour me vendre son point, puis moi, j'y envoie le texte de celui qui ramasse sa méthodologie. Ça, c'est cocasse. Ouais. Mais bon, encore là, il y en a qui pourraient me dire « Ouais, mais il n'y a pas une bonne façon de ramasser sa méthodologie. » C'est la beauté de la chose. C'est ça. Parfait. J'avais dit que je parlerais de recyclage. Oui, aussi. Pourquoi de recyclage, ouais. Donc? Pourquoi de recyclage? Ben, en fait, on en a fait une habitude d'avoir des petits textes sur l'ingénierie. Ben oui. Donc, c'est ça. En fait, ça fait longtemps que je dis que par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu'on fait, bon, les gens disent « Ouais, mais on gaspille nos ressources, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. » Puis moi, je leur dis « Ouais, mais attendez une minute. Vous avez une vision de technologie statique. » OK? Vous regardez la situation dans laquelle on est, puis vous dites, si la tendance se maintient, on va avoir tel problème. Alors que la réalité, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. OK? Donc, ce qu'on utilise et uniquement transformé ne disparaît pas. OK? Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on fait des transformations qu'on considère aujourd'hui comme étant irréversibles. On n'est pas capable de prendre ce qu'on a transformé et de le ramener à ce qu'on avait au départ. Ouais. OK? Et c'est normal. C'est normal qu'actuellement, on ne puisse pas faire ça. Mais moi, je dis toujours que la science va nous amener à un certain point où un jour, on va être capable de faire ces transformations-là. OK? De travailler avec ce qu'on a transformé et d'en faire autre chose. OK? Ça a déjà commencé dans bien des domaines et ça se continue. Et là, j'ai trouvé deux textes vraiment intéressants et ça vient un peu amener un de mes points que j'ai sorti il y a plusieurs années de dire que qu'est-ce qu'on envoie dans l'atmosphère, surtout le CO2, les gaz à effet de serre, qu'à un moment donné, on va être capable d'utiliser ça et d'en faire autre chose. Ben, la même semaine, il sort deux textes très intéressants. Le premier qui dit qu'il y a des chercheurs qui ont réussi à utiliser du dioxyde de carbone, donc du CO2. Donc, c'est ce qu'on envoie en plus grande partie dans l'atmosphère avec ce qu'on consomme, surtout des produits pétroliers. Mmh. Et ils ont réussi à faire une imprimante 3D qui fonctionne au gaz carbonique. Okay. Donc, on prend qu'est-ce qu'il y a dans l'air... Et on est capable d'imprimer une pièce, OK, qui va donner une espèce de... on utilise beaucoup le carbone, ça va donner une espèce de pièce en béton, forme de béton. Donc, c'est ça. Il y a une vidéo qui est accompagnée de ça. Et ils font des petites pièces là-dedans. Mm. Ils sont déjà capables de produire quelque chose avec ça. Wow. Donc, imaginez être capable d'imprimer des pièces qui ont une fonction... À partir de la pollution. Dans le fond, c'est ça, rien du tout, parce que t'as pas à l'insérer juste déjà là dans l'environnement, tu fais juste la prendre puis la. C'est ça. Donc là, la question, c'est ça coûte combien? Est-ce que vraiment ça a un bon effet? Parce que si faire rouler ta machine produit autant de gaz à effet de serre que tu en utilises pour faire ta pièce, c'est pas plus avancé. Est-ce qu'elle peut utiliser elle-même ce qu'elle est en train de renvoyer dans l'environnement? Peut-être. Une boucle infinie. Ouh, peut-être. Parce que si on essaie de faire ça tranquillement, ouais. D'utiliser comme exemple, j'avais vu ça un moment donné, c'était un projet, c'était un pont avec des éoliennes en dessous. Ouais, donc ben quand oui. les autos circulent, mm-hmm. ben on est capable d'utiliser le mouvement des autos pour produire de l'énergie. Ça, c'est fort. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de prendre qu'est-ce qu'on fait déjà. Donc on fait juste garder le même état de mouvement, quelque chose qu'il y a déjà dans la nature, mais on réussit à aller chercher de l'énergie qui se perd. Ouais. Donc ça, c'est bien. Dans pas long, on va avoir des capteurs qui vont capter l'énergie de notre voix quand on parle pour en faire quelque chose. C'est ça. Oui. Prendre les ondes radio de Radio Poubelle, mettons. Oh! Pour faire du recyclage à la place, on va pouvoir appeler ça de la radio recyclage. Wow. C'est carré, hein, ça. Ouais, c'est ça. La radio back. C'est ça. Oh. Back vert. Oh, c'est beau. Oh. Ça fait universitaire en plus. Wow. Ouais, radio back. Vrai. C'est de toute beauté. Ouais. C'était quand même bon, ça, comme merci. Et toi aussi. Oh. Donc, c'est ça. Et l'autre texte que j'avais trouvé qui est intéressant, c'est une compagnie qui veut utiliser la pollution, donc le CO2 dans l'atmosphère, pour faire une énorme batterie solaire. Ah, oh. Oh, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Ça revient en plus, ça vient boucler la boucle avec les anciennes horloges avec le soleil qui pointait l'heure. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Donc, imaginez, là, on va se ramasser dans un contexte où la pollution qu'on va faire va nous permettre de faire des progrès technologiques considérables, mm-hmm, et d'éliminer ensuite de la pollution pour en recréer, pour l'éliminer. Donc, imaginez si des technologies comme ça arrivent et que ça pourrait permettre à certaines industries de repartir des procédés, exemple qu'on est obligé de délaisser parce qu'ils étaient polluants, mais de repartir sans, sachant que leur pollution va servir, va être recyclée pour faire d'autres choses utiles. Encore une boucle. Imaginez le changement que ça amènerait. On est dans un mode actuellement où on veut réduire, pratiquement, on dirait que les gens veulent zéro pollution. Ouais. OK? Mais imaginez avec des procédés comme ça, si on est capable de dire non, finalement, il faudrait polluer parce qu'on est capable de recycler la pollution pour en faire d'autres choses. Ah, oh, waouh, ouais. Hein? Imaginez si quelqu'un arrive puis qu'avec des espèces de batteries solaires comme ça, on peut dire qu'on va pouvoir amener l'énergie dans tous les pays qui ont de la misère à se développer, mm-hmm, où il y a la pauvreté, mais que pour ça, il faut polluer pour être capable de leur fournir de l'énergie. T'aurais pas à me le dire deux fois. Non, mais. Ouais, c'est ça. Non, mais ça vient soulever plein de débats éthiques, ouais, bizarres dans notre tête. Parce qu'on s'entend, là, avec les progrès qu'on fait actuellement, personne voudrait retourner là. Non. Mais on dirait que la technologie semble nous dire, ouais, mais il y a peut-être quelque chose à faire finalement. Je trouve ça particulier. Ouais. Donc, c'est deux textes qui m'ont vraiment intrigué. Vraiment le fun. Si tu veux les poster sur la page Assemblage Requis sur Facebook. Oui, les envoyant, je vais faire ça pour toi. Ben oui, je vais faire ça. Ça me fait plaisir de t'envoyer ça. Dans nos temps libres, parce qu'on aime ça, s'abreuver d'informations comme ça sur l'ingénierie, sur les trucs cool de la science et de la technologie. Super. Merci, oui, beaucoup. Je vais aller reposer ma voix maintenant. Oui. Repose ça. Mais t'es pas si pire. Non, ça s'écoute très bien. Mais... Non, mais moi, je le sens que ça roche vraiment actuellement. Ça râle dans le fond de la gorge. Oui, un peu. C'est ça. Prends soin de toi. Merci. Sam, va te soigner. Achète Galerie, ils ont tous les remèdes pour toi. Ouais, c'est ça. Vas-y. Samuel Gérard, on t'écoute jeudi matin entre 9h30 et 11h pour une nouvelle édition de Génie en Liberté. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Ben, premièrement, le budget. Oui. Mm-hmm. Donc, ça, c'est sûr et certain. On va revenir sur la descente de l'UPAC. Oui, bien sûr. Parce que là, maintenant, on a plus d'informations. Parce que c'est arrivé le matin de mon émission. Oui, on va sûrement en avoir plus encore d'ici à l'émission de jeudi. Exactement, c'est en plein ça. Donc à date, c'est les deux sujets majeurs qu'on veut traiter. Puis le reste, ben, on suit l'actualité pour être prêt jeudi matin avec tout ce qui va sortir. Génial. Génial Liberté avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lalouette. Jeudi, 9h30 à 11h. On rappelle les samedis matins à 10h. Merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir. Bonne journée. Va te coucher, là. Ben, c'est ça. Nous, au retour, c'est la chronique du club plein air UQTR. Avant ça, écoutons, tiens, une pièce de Winter Sleep. America. Oh. Ooh, America. Hein? C'est pas Rammstein. Lover, don't be sad. Think of the time we had. The moment's truer now. Won't last. I don't wanna wave goodbye. Shout out a thousand times. I love you till the moment dies. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? With the earth and freedom, love and law and life. you love to dance, but you don't know how. It doesn't mean that we can't try. Fix me in your twilight eyes, so we can make a moment last. America par Winter Sleep. Au retour de la pause, la chronique de la, du club plein air UQTR avec Evelyne Dulac. Restez là. Vous êtes assez fou? 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Déjà de retour à Assemblage Reiki, on se lundi 21 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, dans quelques secondes, ce que je voulais dire tantôt, c'est la chronique du club plein air UQTR avec Évelyne Dulac. Oui, j'avais une affaire à dire. Presque dit comme ça. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, force-toi, là. Hein? Mais comme on a encore un petit peu de temps avant qu'elle arrive, voici une autre pièce, cette fois-ci de The Sheepdogs. C'est Back Down à son âge requis. Get together and keep bonbons. Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi, pourquoi t'es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess Fush. Je te vois encore. Rappelle-nous, pourquoi t'en parles d'amour. Rappelle-moi, encore. La fantôme du futur, je me décolle. Qui peut juger le jeune toi qui s'en parle. Faut pas de la marque, pire piaise. Faut que tu contrôles cette angoisse en toi qui t'achale. Rappelle-moi, Jess Fush. Rappelle-moi, pourquoi t'es pas dans l'autobus. Rappelle-moi, Jess Fush. Hey, Jess Fush, encore. Rappelle-nous, pourquoi t'as l'enfant d'amour. Rappelle-moi, encore. Pompier, la pièce autobus précédée de The Sheepdogs avec Back Down, assemblage requis. Maintenant, tiens, toujours en attendant la chronique du club plein air UQTR, allons-y avec une petite liste dans son foutu palmarès. On a le temps de faire un aller-retour entre chez nous puis ici deux fois avec cette intro-là. Donc, son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Cette fois-ci, c'est des noms internationaux pour des produits qu'on connaît déjà en Amérique du Nord. Simple quand même, donc des produits qui sont disponibles partout dans le monde, des produits qui sont souvent américains, sauf que les compagnies doivent les adapter à différentes langues, différentes cultures par rapport à l'Amérique du Nord. Donc, voici sept produits américains. Avec des noms qui ne seront pas familiers du tout si je vous l'ai dit dès le départ. Donc, commençons avec, qu'est-ce que c'est Hungry Jack's? Mon Dieu, c'est une bonne question. Hungry Jack's, c'est genre que la famille. J'imagine que c'est genre un nom de restaurant, là, ça, c'est sûr. Oui, c'est un nom de chaîne de hamburger. OK. C'est McDonald's? Non, Burger King. Ah, ouais. En Australie, en 1971, Jack Cowan a acheté la franchise australienne pour Burger King, donc de la compagnie Pillsbury, qui était propriétaire de la chaîne à ce moment-là. Mais parce que le nom était déjà enregistré, il a utilisé le nom Hungry Jack, qui était à l'origine un mélange à crêpes américain comme nom pour Burger King en Australie. En 1999, Burger King a commencé à ouvrir des restaurants sous son propre nom en Australie, mais ensuite, ils se sont combinés avec Hungry Jack's en 2003. Ils ont gardé le nom de Hungry Jack's parce que là-bas, c'est ce que les gens connaissent. Ils ne connaissent pas Burger King. Hmm. Eh ben. Ensuite, qu'est-ce que c'est que les Doritos Cool American? Doritos c'est l'équivalent Cool de quoi? American. Ouais. Pour Doritos, les Cool American. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire que c'est une sorte de chip épicé. Non, ben c'est la sorte de fromage Cool Ranch, le Doritos Cool Ranch. On appelle ça Cool American en Europe. Ah, ouais. Une des saveurs les plus populaires aux États-Unis, c'est Cool Ranch. On les a maintenant ici au Québec. J'en ai vu, les sacs sont bleus. Donc, dans plusieurs parties de l'Europe, c'est connu sous le nom de Cool American parce que les Européens appellent la sauce ranch de la sauce américaine. Ah, OK. Nous autres, on appelle ça de la sauce ranch. Ouais. Mais pour eux, c'est de la sauce américaine. Ah, bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le Coca-Cola Light? Ah, ben ça va être genre du Coke Diet. C'est du Coke Diet qu'on appelle Coca-Cola Light partout en Europe. La boisson est exactement la même, mais le mot light est associé avec les articles qui ont moins de calories en Europe. On n'utilise pas le mot diet, on utilise le mot light. Voilà. Même en français. Ensuite, celui-là, on ne le connaît pas ici au Québec. C'est aux États-Unis qu'on le connaît plus. C'est TJ Maxx qui, des fois, s'appelle TK Maxx. C'est un magasin grande surface, TJ Maxx. Okay. Donc, en Irlande, ça s'appelle TK Maxx. Et partout dans le Royaume-Uni aussi. La compagnie parent, TJX Companies, l'a renommée pour que les clients irlandais et britanniques ne les confondent pas avec TJ Hughes, qui est une marque déjà populaire au Royaume-Uni. Je vois. Ensuite... Et là, ça semble bizarre. Celle-là, je la trouve très drôle. Ben, c'est bizarre parce qu'ici, on est habitué à voir la version remaniée. Donc, d'habitude, tantôt, on avait les noms américains qui étaient transformés en d'autres choses. Mm-hmm. Ici, on a les noms transformés en d'autres choses parce que Kraft Dinner, il n'y a pas ça ailleurs. Aux États-Unis, c'est pas Kraft Dinner, c'est Kraft Macaroni and Cheese. Ah! Ouais, donc. Pourquoi tout le monde appelle ça du Kraft Dinner? Ben, justement, parce que c'est le nom du produit. Mais aux États-Unis, tu n'appelleras pas ça Kraft Dinner parce que, Colin, il n'y a pas ça. Kraft Dinner, c'est du Kraft Macaroni and Cheese. Mais si t'as. Non! Non, ils appellent pas ça KD. Ça existe pas, KD. OK. Non. Donc, au Canada, on appelle ça Kraft Dinner ou KD. Kraft a présenté pour la première fois le produit sous le nom de Kraft Dinner au Canada et aux États-Unis en 1937. À la fin des années 50, Kraft a commencé à ajouter le nom Macaroni and Cheese à ses emballages. C'est le terme qui a gagné finalement, c'est ce qui est resté. C'est ce que les gens ont retenu. C'est pas avant les années 70 que Kraft Canada a commencé à utiliser ses étiquettes bilingues en français et en anglais, surtout ses emballages. Donc, résultat, les produits Kraft canadiens ont le mot Kraft Dinner en plus gros, en gras à l'avant de la boîte, et Dîner Kraft sur l'autre côté. Il y a personne qui dit Dîner Kraft. J'ai mangé du Dîner Kraft. Donc, les mots macaroni and cheese étaient en plus petit, donc les Canadiens ont adopté le mot Kraft Dinner, le nom Kraft Dinner. Alors qu'aux États-Unis, on a juste utilisé mac and cheese, et même que sur les emballages, j'ai jamais vu de Kraft Dinner aux États-Unis depuis un bon bout. Ensuite, qu'est-ce que le Mr. Proper? Mr. Proper. Ça sonne Monsieur Net. Ça sonne pas mal Monsieur Net, hein. Ou en France, Monsieur Propre, tu savais ça? Ah, Monsieur Propre. Oui, oui, oui. Donc, le produit Mr. Clean de Procter & Gamble est un produit à l'international. Son nom a été traduit en différentes langues. Donc, ça s'appelle Maestro Limpio au Mexique. Hein? Monsieur Propre en France, Meister Proper en Allemagne. C'est le même produit avec la même mascotte. Donc, le personnage avec pas de cheveux. Comment pas de petits cheveux. Très luisant sur la tête. Tu sais, à un moment donné, il y avait une moustache blanche. Ouais, ça me dit quelque chose, ça, mais ouais. Il s'adapte aux époques. Il l'a pas eu longtemps, par exemple. S'il y avait des cheveux, il y aurait eu un mulet. C'est vrai. Et il y aurait une coupe de... Ça revient à la mode. Est-ce que tu penses qu'il devrait se faire une barbe de hipster à la place? Ah. Dans les années 2010. Mais il y a encore sa boucle d'oreille, là, style années 90. Je sais, mais ça, tu sais, hein. Le gars, il suit pas les modes. Parce que, comme on dit, la meilleure façon de pas être en mode, c'est de suivre les modes. C'est vrai. Ensuite, les Croustilles Walkers. Walkers, qu'est-ce que c'est les croustilles Ruffles, Walkers? Je sais pas. Non, c'est les Lay's. Ah ouais. Au Royaume-Uni. Fondée en 1948, les croustilles Walkers sont devenues donc la croustille chef de file au Royaume-Uni. Par contre, Pepsi a acheté Walkers et a mis le logo de Lay's et a juste écrit avec la police de Walkers dessus. Donc, il y avait des chips Walkers qui existaient déjà. Ils ont pris le logo de Lay's parce qu'ils ont acheté Walkers et ils ont remplacé le mot Lay's par le mot Walkers. Ah. On se comprend là-dessus. Donc ça, c'était en 1989. C'est exactement la même formule. PepsiCo a décidé de garder le nom Walkers pour s'assurer une loyauté de la part des clients, de leur clientèle au Royaume-Uni, parce que les gens achetaient déjà des Walkers. Walkers a des saveurs plus exotiques que son équivalent américain. Donc, il y a American Cheeseburger, Lamb and Mint, donc mouton et menthe, et South African Sweet Chutney. Je crois que du chutney, c'est pas un genre de Alors, on va aller voir sur Wiki avant de dire quelque chose d'inapproprié dans c'est la cuisine comme une indienne. C'est du chutney, c'est pas une sorte de confiture? Ben, moi, je pensais que c'était une confiture, genre, comme les confitures plus consistantes. Là. Ouais, c'est donc, ça. Donc, les chutneys authentiques contiennent une quantité considérable de piment vert frais. C'est comme une salsa, on dirait. On trouve une grande variété de fruits ou de légumes condimentés et épicés. Certains chutneys se préparent froid, la plupart sont à base de fruits et nécessitent une cuisson. Les plus courants sont les chutneys à la noix de coco, à la tomate, à la coriandre, menthe, tamarin, mangue et citron vert. Donc, c'est une sauce souvent aigre-douce servie en accompagnement de mets. Des chips à ça, ça a l'air bon. South African Sweet Chutney, donc du chutney sucré avec des fruits. Plus. C'est ça. J'imagine. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On a établi une liste, hein, pourquoi pas, et le lien est sur assemblagerequis.com. Maintenant, tiens, dernière petite chanson, et après ça, on revient avec Evelyne Dulac et sa chronique du Club plein air UQTR. Voici Marie-Ève Roy et ton appel à Assemblage Requis. C'était Marie-Ève Roy, la pièce Ton Lapin, l'assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de la chronique du club plein air UQTR. Evelyne Dulac est avec nous ce matin pour parler encore une fois d'environnement, de choses qui se passent à l'extérieur. Bonjour Evelyne. Allô. Ça va bien? Oui, toi. Oui, tout à fait. Tania est là aussi, tu sais. Oui, oui, oui. Donc Evelyne, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, on parle de l'été qui s'en vient. Oh oui. Oui, donc... Très vite, très vite. Très vite, oui. Mettons. Malgré la neige, là. Ouais. Ben c'est ça. Donc, qui dit été dit plein air. Mm-hmm. Donc, dit activité qu'on peut faire dans le plein air. Il y a... Je me suis dit, bon, l'été s'en vient. Il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup, qui trippent sur le plein air et qui voudraient savoir quoi faire. Moi, je trouve qu'il y a trois types d'été que tu peux avoir pour quelqu'un qui trippe comme moi sur les voyages puis sur le plein air, selon ton budget. Ah oui, j'avoue. Hein? C'est bon de classer ça comme ça. Oui, c'est ça. Donc, premier budget, ce serait, t'as bien des sous, puis tu veux aller quelque part dans le monde. Donc, tour du monde. Oui, oui. Moi, je partirai en Malaisie, j'irai voir mon ami, puis je tripperai tout l'été là. Mais malheureusement, je n'ai pas un bon budget. Est-ce que tu as des amis dans chaque pays du monde? J'en ai pas en Afrique. Ah non? Non. J'en ai pas mal partout ailleurs. Ah oui? Mais il manque un continent, là. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même important. Est-ce que tu rencontres tes amis à l'UQTR? Est-ce que tu rencontres tes amis en voyageant là-bas? À l'UQTR, tu veux dire? À l'UQTR. Est-ce que tu rencontres des amis qui viennent de d'autres pays ici? Ou est-ce que tu les rencontres sur Internet? Oui, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'Amérique du Sud ou de la France, qui viennent faire des trucs de plein air aussi. Tu gardes le contact avec eux? Oui, ben c'est ça. Ils viennent de tous mes amis. Là, quand on va faire des activités, c'est surtout... on fait beaucoup de socialisation. Donc, c'est ça qui est le fun aussi avec les activités de l'UQTR. C'est que l'UQTR, en tout cas... Ouais, l'association... UQTR! L'association de plein air de l'Université de Trois-Rivières, oui. Vous aidez pas bien avec ce nom-là. Ouais, ouais, en tout cas. Donc, c'est ça. On peut rencontrer plein de personnes. Puis après, on peut aller... on peut toujours les inviter puis voyager avec eux ou tu sais aller chez eux. J'ai beaucoup d'amis en France, c'est que c'est le fun quand je vais en France, j'ai au moins une dizaine de personnes que je peux aller dire coucou puis faire le tour de la France comme ça. Faut bien des avantages aux Français, tu sais. Oh, on les adore. Oh. Moi je les adore. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est ça c'est le premier voyage. Le deuxième type de voyage, c'est tu voudrais faire du plein air cet été mais tu n'as pas de sous puis tu veux pas rester au Québec. Donc, si tu veux pas nécessairement faire de l'argent, mais tu veux partir, tu veux... La technologie, là, ton sel prend trop de place dans ta vie, là, tu veux juste t'évader. Donc, moi, le voyage que je recommande le plus pour ceux qui ont vraiment pas d'argent puis qui veulent partir tout l'été, c'est le classique, là, l'Ouest canadien. Oui, ben oui. Donc, tu pars en Colombie-Britannique, tu peux partir sur le pouce. Ma soeur, elle l'a fait avec 200 $ puis est revenue avec 200 $ Tu sais, on dit que tout ce que ça coûte au VC, c'est une caisse de bière puis t'es correct comme pour tout l'été, là. C'est, ouais, c'est vrai. C'est super facile, là, je veux dire, tu peux... moi, ce que je faisais, c'est que la plupart du temps, j'allais dans les poubelles, les épiceries, puis il y a plein de bouffe, là. Ah oui? Ouais, tu peux... Moi, j'y allais en avion, puis après, je faisais du pouce ou tu trouves une ride, des amis qui y vont, vous séparez tout le gaz à la gang. Il y a tellement de choses à faire qui sont plein air au BC, il y a tellement des belles montagnes à faire. Donc, les possibilités sont vraiment, vraiment... il y en a beaucoup. À l'infini. À l'infini, voilà. Donc au BC. Sky's the limit. Mm-hmm. Oui. Puis finalement, le dernier type de voyage, pour ceux qui, comme moi, au début, j'étais supposée justement partir au BC. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais des jobs par rapport à mon bac. Qu'il faut que tu restes au Québec. Que, ben, c'est ça. Il faudrait idéalement que je reste au Québec si je veux avoir de l'expérience pour après faire mes stages. Puis tu sais, c'est sûr que c'est bien beau vivre dans tes rêves, mais ouais, des fois, il faut rester sur toi. Fait que si t'as une job à Trois-Rivières, puis tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je peux faire cet été de plein air? J'ai des propositions pour toi. Une chance. Ah ah! Donc, ce qui est cool à faire ici, j'ai trouvé... tu peux faire des randonnées dans un sentier à Saint-Mathieu-du-Parc. Mm-hmm. Ça, c'est à environ une heure d'ici. C'est à 20 minutes de Shawinigan. C'est une randonnée au cœur de la forêt. Il y a un gros amphithéâtre. Fait que tu marches comme... À la nature, les amphithéâtres, à la nature, mais c'est fou. C'est fou, c'est un amphithéâtre grec, là, tu sais, qui est comme... toutes les arbres sont autour, puis c'est vraiment beau. Je sais pas comme si vous êtes déjà allé. Si veut, oui, ça vaut vraiment le détour, là. Mais en même temps que tu joues de la musique, elle est jamais là. L'acoustique, le son doit être vraiment bon. j'ai pas à tous les musiciens de Trois-Rivières d'aller se ramasser là. Il va avoir full de monde à Saint-Mathieu, finalement. Ouais, mais moi, c'est clairement une sortie que je prévois faire cet été avec mes amis qui jouent de la musique. On va aller faire un road trip jusqu'à Saint-Mathieu-du-Parc. Ça fait moins rock'n'roll, je vais dire. Ouais, hein? Que Saint-Mathieu-du-Parc, c'est pourri! Un peu moins winner. Ensuite, il y a plein de choses à faire. Tu peux faire de l'escalade avec Maïkan, oui. Aventure. Donc, il y a des parois naturelles au Parc national de la Mauricie. Mm-hmm. Ça coûte pas si cher, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve que l'escalade, c'est souvent quelque chose que l'été, tu te dis, ah, c'est dangereux, tu sais, il faut vraiment avoir des professionnels avec soi, puis tu sais, c'est compliqué, puis se rendre là. Mais Maïkan fait vraiment en sorte que ce soit simple. Tu vas les voir, puis ils t'organisent tout ça. Puis c'est ça, puis si t'as jamais expérimenté de l'escalade sur des parois rocheuses naturelles, ça vaut la peine. Puis en fond, l'hiver aussi, on a déjà parlé sur la glace. Ouais, c'est ça. Demande qu'est-ce qu'ils font au printemps. Ils font les deux. Entre les deux, qu'est-ce qu'ils mettent? Ben, ils arrêtent en fait. Ils arrêtent complètement. Ouais. Escalade sur slush, moins recommandé. Ensuite, tu peux faire un trip, des road trips. Fait que j'en ai une belle liste de road trips que tu peux faire. En tant qu'il y a de l'alcool, c'est ça? Ouais. J'en ai retenu une caisse de bière dans valise, puis on est parti. Ben, c'est drôle parce que, ben, c'est sûr que des road trips, ça s'accompagne bien avec de l'alcool. Ah, il me semblait aussi, je savais. C'est sûr que t'es jeune, puis tu veux te faire du fun, donc tu pars en voiture, tu peux boire de temps en temps. Mais si tu veux juste faire, par exemple, un trip jusqu'à Rimouski, c'est 4h12 de voiture à partir de Trois-Rivières. Puis, rendu là-bas, la nature est vraiment belle. Tu peux trouver un beau spot à camper, ça coûte pas cher. T'es dans la nature, t'es avec tes amis, t'es pas obligé de boire, là. Tu peux juste profiter de la nature, puis ça va être le fun. Puis aussi la route pour se rendre jusqu'à Rimouski est vraiment belle aussi. Tu peux aussi choisir d'aller à l'île d'Orléans. Mm-hmm. C'est 1h30 d'auto, c'est pas loin, c'est juste à côté. Puis l'île d'Orléans, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est tellement beau. C'est vraiment beau. Il y a plein de petites boutiques artisanales, puis ça vaut la peine, là. Ça vaut vraiment la peine. Tu peux aller à Sherbrooke, qui est juste à 30 minutes d'ici. Ça fait moins exotique un petit peu, je trouve. Oui, ça fait moins exotique. C'est une île d'Orléans et de Sherbrooke. Ouais, mais il y a des beaux cours d'eau puis des lacs, puis tu sais, il y a des belles places pour faire des randonnées. Si jamais tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Sherbrooke? Il y a des belles randonnées à faire à Sherbrooke. D'ailleurs, il y a un site, n'importe quoi ce que tu veux faire en Mauricie, il y a un site qui s'appelle... Ça m'a surpris qu'elle soutient pas. Mauricie, la belle d'à côté. Ah oui. Ben, tourisme-mauricie.com. Puis là-dedans, tu vas trouver plein de randonnées que tu peux faire, des randonnées pédestres. Si jamais tu veux une belle grosse montagne, là, de quoi, un petit peu plus gros que le relais, là, tu peux aller au Mont du Lac des Cygnes. C'est à 3 heures d'ici. Moi, je l'ai déjà fait vraiment plusieurs reprises. J'habitais à Québec avant, puis c'était ma montagne préférée. C'est dans le parc de la Gorge de la Malbaie. Puis c'est fou. Là, c'est un trek de 4-5 heures. Là. Tu montes jusqu'en haut, puis la vue est... Elle vaut vraiment le détour. Imprenable, oui. C'est vraiment beau. Bref, j'ai adoré le Mont du Lac des Cygnes. Tu peux aller à Tadoussac. C'est 4h18 détour. Ben oui. 4h18, t'as dit? Ouais, 4h18. Oh wow. Selon Google Maps. Selon Google Maps. Mais dans la vraie vie, 3h30, 3h45. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que selon Google Maps, tu roules 100. C'est ça. Et personne ne fait ça. Ils sont sages, Google Maps. Ouais. Ils n'ont pas d'alcool dans la valise, c'est ça. Donc, à Tadoussac, tu peux voir les baleines. Il y a plein de choses à faire à Tadoussac. Tu peux encore une fois aller t'informer sur Internet, mais n'importe qui veut faire un bon road trip. Tadoussac est une belle destination, définitivement. Puis, il y en a un autre que c'est plus long, mais je l'ai déjà fait. Puis, je l'offrais n'importe quand. Puis, je vais essayer de prévoir ça cet été. C'est Percé. Ben, ah, ben classique, oui. Mais oui. Mais ça, c'est quoi? C'est une dizaine d'heures percées, non? Ouais, c'est 9h22. Je suis pas payée. Une dizaine d'heures si tu dors pendant un bout de temps puis tu te rends pas compte que le temps passe. Non, mais tu t'arrêtes de faire pipi. Ah, ouais, c'est vrai. C'est ça, voilà. Des arrêts pipi. Ouais. C'est ça. Chez Benny. Il y a sûrement un Benny, l'équivalent de Benny entre dans le 10 ans. Ouais, sûrement. Qui parle. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est Percé. Tu peux faire plein de choses à Percé. Tu peux faire du kayak, tu peux faire du canot, tu peux aller camper, tu peux aller manger du homard, tu peux... Les possibilités sont infinies! Encore? Wow! Il faut qu'il fasse beau, par exemple. Oui. Parce que quand il fait pas beau à Percé, il fait pas beau. Ouais. Justement, la fois que j'étais allée, c'était au mois de mai, on venait de finir le cégep. On fly jusqu'à Percé! Mais il fait frette au mois de mai! Ouais, exact. Mais c'était le fun pareil. Toujours le fun, c'est dehors. C'est le fun. Pour toi, mettons. moins. Mais moi, j'ai du fun pareil. Tant que je suis dans la nature, je suis heureuse. Toujours souriante, toujours heureuse. Il n'y a jamais trop de moustiques. Jamais trop frais, hein, trop frais. Non, c'est ça. Tu chiales jamais, toi. Non, moi, je suis parfaite. Non, okay. mais sérieusement, il en faut beaucoup pour me fatiguer. Sinon, un autre bien simple aussi, Wendake. Êtes-vous déjà allé à Wendake? Non. C'est quoi ça? C'est une heure et demie, c'est une réserve amérindienne à Québec. OK. Ah! Puis moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Wendake. Là. Il y a... Je me souviens plus, c'est pas le nom. Il y a, en tout cas, c'est pas dur à trouver, là, c'est tout petit. Là. Il y a une grosse chute avec... une rivière, puis un sentier à faire. Ce coin-là vaut la peine. Allez prendre un pique-nique, là. Ben ouais. Je vais trouver le nom de la chute. Ben, je pourrais faire une recherche tout de suite, mais je pense que j'ai pas vraiment le temps. Mais allez checker sur Wendake, c'est full facile à trouver. Comment t'écris ça? Wendake, W-E-N-D-A-K-E. Wendake. Comme ça, c'est finalement. Oui. Donc, pour exemple, les Québécois et les Français, ou n'importe qui d'ailleurs, qui reste à Trois-Rivières cet été, puis qui voudrait voir une réserve amérindienne qui est vraiment belle, puis bien préservé, puis les gens accueillants à Wendake. Souvent, des réserves amérindiennes, c'est un peu touché parce qu'ils veulent pas avoir l'image touristique. Là. Ouais. C'est ça. Ben Wendake, c'est bien pour ça. Il y a des bons restaurants aussi, puis il y a des belles boutiques. Puis les gens sont super fins à Wendake. Mmh. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça. Si tu as des amis à Québec, tu vas les voir en passant, tu peux aller te promener là-bas. Que davantage. Mm-hmm. Voilà. Il y a le Mont-Tremblant aussi qui est pas pire. C'est pour la randonnée. Oui. Ouais, tu fais ça, de la randonnée l'été. Pas moi, personnellement, là, mais je sais que Mont-Tremblant, c'est super bien. Là. Il y a plein de sentiers et tout ça. Fait que c'est bon pour ça. Oui, il y a le Mont-Wright aussi, proche de Stoneham. Mm-hmm. Puis ben, il y a Stoneham, il y a le sentier du Mont-Hibou que tu peux faire, que ça prend à peu près 2 heures. C'est pas long. Si tu fais un tour à Québec, tu vas voir tes amis. « Hey, il y a une montagne proche, on va-tu la faire? » Go for it. Go for it. Go for it. Tu pognes un petit lunch que tu manges en haut, puis tu redescends après. Tu dis toujours ça, toi, hein? Go for it. Tu dis jamais non à aucune activité. Toujours qu'on t'offre quelque chose. Let's go! Ben oui, je suis comme Jim Carrey dans Yes. C'est ça, exactement. Ouais. Madame Oui, qu'on t'appelle. On t'appelle aussi les Dents de la Mer à cause de ton T-shirt. T'as un chalet de requin, donc les Dents de la Mer. Sinon, on t'appelle Evelyne du Lac à la Tortue ou des choses, je sais pas, des affaires de même. Du Lac à la Tortue. Sûrement. Ça prend pas comment faire. Ouais, Madame Parfaite. Elle s'est dit elle-même parfaite. Non, appelez-moi pas Madame Parfaite. Elle est parfaite. Non. Voilà. À part quelques défauts sur l'heure. Ouais. J'étais un peu. J'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, on t'apprécie quand même, Evelyne du Lac. Ah, merci, c'est gentil. Activité à venir pour le club plein air écutaire. Oui, on a une sortie qui s'en vient, qui va être vraiment le fun. C'est le rafting. Oh! Donc, ça se passe au Centre d'aventure Matawan. C'est le 29 avril au 30 avril. Mmh. Matawan. Puis, c'est ça, on part le matin, on fait du rafting. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est intensément trop le fun. J'adore le rafting. Puis, je pense que n'importe qui aime un peu l'adrénaline va vraiment triper sur le rafting parce que tu peux quand même te sentir en sécurité. Je veux dire, t'as ta veste, puis il y a le gros bateau. Puis en même temps, tu sens l'adrénaline parce qu'il se passe tellement de choses, ça va tellement vite. Puis en même temps, tu essaies de contrôler. Puis tu as du gros fun avec le monde autour de toi. Faut dire qu'elle se sent en sécurité même à 5 pieds 2. Ouais, c'est ça. Fait c'est ça. Mais c'est ça, fait une journée de rafting. Puis ensuite, on fait camping. On installe nos tentes, on relaxe. Le lendemain, on part sur un sentier pédestre. Puis on a une belle journée. Donc, c'est pas tant cher, pour vrai. Pour le rafting, d'habitude, ça coûte... c'est quand même relativement dispendieux. Celui-là, pour 90 $, on a 2 jours. Donc, on a une journée rafting, deuxième sentier pédestre. Puis, il y a le barbecue de fourni, puis tout. Là, ça vaut quand même la peine. Puis, les inscriptions se font vraiment rapidement. Donc, ceux qui voudraient participer au rafting, dépêchez-vous. Ça va partir vite. On a seulement une vingtaine de places. Donc, Tu disais les 29-30 avril, c'est ça? Exactement. Après la fin de la session, finalement? Oui. Donc, on laisse une journée là, pour dégriser des parties de fin de session. Dégriser? Ouais. Faut toujours qu'il y ait de l'alcool. Mais la partie de fin de session, tu peux le faire à jeun, toi, si c'est ton droit. Mais c'est la partie de fin de session. Donc, tu risques d'être un peu scrap le lendemain matin. Donc, on voudrait pas partir sur du rafting le lendemain. La partie de fin de session. Donc, c'est la seule activité qui s'en vient? Faut attendre la fin de la session? Non, il y en a d'autres, des petits événements. Par contre, moi, c'est ça, je suis responsable des grands événements, les petits. Ah. Mais oui, on sort la programmation bientôt. Juste venez nous voir au local de l'UQTR. On peut, juste en face de la cafétéria, là, on peut vous informer là-dessus. Tous les jours de la semaine, sur l'heure du midi, je crois que c'est ouvert. Oui, exactement, donc de 11h30 à 2h30. Voilà. Génial, sur la page Facebook, sinon UQT apostrophe AIR. Oui. Puis c'est à peu près toutes les informations qu'on a à savoir. Oui, exactement. Évelyne Dulac, merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Et on te souhaite une très bonne journée. C'est un cours, pas tout de suite pour pas être en retard. Oui. C'est une joke. C'est une question de timing. Mais oui. C'est une question de timing. Nous, c'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 pour une toute nouvelle émission. On va être demain mardi, donc on va avoir Jimmy Thibodeau à 8h pour sa chronique C'est dans le monde que ça se passe, sur l'actualité internationale qui passe sous le radar. À 8h30, Gabriel Béhoud va être là pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match d'impro. Ce soir, c'est la poule huître à 20h à la Chasse-Galerie. C'est le gros match spécial sur Harry Potter. Manquez surtout pas ça. Mm-hmm. Bande de vous autres. À 9h, Zone Campus avec Louis-Philippe Quentin. On parle d'actualité locale. Sinon, pour l'émission d'aujourd'hui, on remercie Samuel Girard avec sa chronique hebdomadaire. Évelyne Dublac, encore une fois, pour la chronique du Club Plénaire et Cutter. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, à 11h, le Dîner de Cons avec Danny Janvier pour joindre l'inutile à l'agréable. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans... J'essaie de me rappeler dans l'ordre. Les Délirantes. Oui. À 13h, émission de variété. Ensuite, à 14h, Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, Le Voyage Insolite avec Culture Rock, Cinéma et Littérature Fantastique. 20h, Rock de Neurones avec du rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci, Tania Bonin. Merci à toi, Mathieu Plante. À demain, 6h30. Bye, bon café. Bye.